Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ce cinquième épisode de Celluloid. Alors, on évoquera aujourd'hui, donc le thème du jour sera le stop motion. Bien évidemment, avant cela, vous aurez le droit à vos rubriques habituelles, à savoir les news, le box-office, les films à venir également pour le mois de février qui va être très très chargé et évidemment le cahier critique. Et pour cela, et comme d'habitude, je ne suis pas seul puisque sont avec moi Toontoon. Bonsoir Toontoon. Bonsoir. Et prêt pour cette nouvelle émission, pour ce ouais, cinquième tout à volet. Fait, tout à fait prêt, avec un thème particulièrement intéressant. Tout à fait foisonnant en information. Bien évidemment, nous ne sommes pas seuls tous les deux, puisque Chronos est également avec nous. Bonsoir Chronos. Bonsoir. Donc voilà, on va partir pour cette magnifique cinquième émission. Alors on va commencer tout de suite avec les news. Alors, une première news qui a certainement beaucoup fait parler d'elle, puisque c'est l'annonce par le studio Ghibli de la production d'une première série télé, puisque c'est la première fois que le studio Ghibli, en tant que tel, crée une série télé en dehors des films d'animation. Donc, la série télé sera diffusée à partir de l'automne prochain. Ce sera une adaptation d'un livre pour enfants qui s'appelle Ronia, fille de brigand, qui racontera l'histoire de deux enfants qui sont issus en fait de deux bandes de brigands rivales, pardon, et qui vont devenir amis. Ce sera chapeauté par le fils d'Hayao Miyazaki, à savoir Gorō Miyazaki, qui avait déjà réalisé, alors entre autres, La colline aux coquelicots, Les contes de Terre-Mère également. Alors en plus, chose inhabituelle, parce que là on sort un peu du cahier des charges habituel du studio Ghibli. Alors le film sera en plus réalisé en 3D et donc par ordinateur, 3D notamment en image de synthèse évidemment. Donc ce qui est assez nouveau. Bah, c'est la première fois d'ailleurs qu'ils font ça. D'ailleurs, je vois la 3D, mais je suis pas sûr non plus que ce soit par rapport au visuel qu'on a eu, je ne suis pas sûr que ce soit réellement de la 3D en image de synthèse. Hein. Je sais pas, vous avez eu des informations vous, par rapport à ça ou pas? Ouais, j'ai vu qu'en fait, dans le style technique, c'est la même chose que la nouvelle série Les Mystérieux Citadors, en fait. D'accord. Qui passe en ce moment là. C'est un mélange justement de 2D pour les décors et de 3D pour les personnages. Donc c'est vraiment une image de synthèse. De toute façon, le style qu'on voit avec l'image de Ghibli là, c'est assez similaire en fait, qu'on rapproche les deux séries. Ouais. Donc c'est vraiment dans ce style là. Et juste pour information, en fait, c'est pas vraiment. Enfin, une grande partie de l'animé va être réalisée via Polygon Pictures, donc qui a réalisé Night of Sidonia et The Sky Crawlers. Ah oui, Sky Crawler, c'est Mamoru Oshii. Oui. Il y a pas mal de 3D aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, et bah justement, ils font appel à eux pour leur expertise, on va dire. Mais du coup, Ghibli est avant tout producteur et moins réalisateur, en fait. Après, on reconnaît quand même bien le style, bah en tout cas un style qui se rapproche du chara-design. J'ai perdu son nom, Horus, prince du aussi, soleil. Ouais. Je pense assez proche. Je pensais aussi à Conan, fils du futur, hein, qui était réalisé en son temps par Miyazaki, mais pas au sein de la structure du studio Ghibli. Donc c'est pour ça que on peut pas parler non plus d'une première. C'est pour ça qu'on peut parler justement de la première série en tant que telle réalisée par le studio. En tout cas supervisée par le studio. En tout cas, c'est une belle annonce qui permet aussi au studio de sortir un peu de la production habituelle de films, puisqu'on sait maintenant, et on en parlera tout à l'heure évidemment aussi, que Miyazaki a réalisé son dernier film, donc que derrière il faut quand même avoir une certaine perspective d'avenir pour ses productions. Et puis ça permet aussi à Gorō de s'émanciper un peu et de faire autre chose que ce sur quoi on l'attendait, quoi. Oui. D'autant qu'il est aussi, on le dit un peu moi aussi, c'est il me semble, c'est aussi le directeur du musée Ghibli. C'est lui qui s'en occupe aussi. Donc il a quand même pas mal de fonctions Tâche. au sein du studio. Donc voilà. Alors, deuxième news. Alors on va parler notamment tu vas nous en parler notamment de Baïdir, hein, une production en turbo média. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire exactement? Bah déjà, voilà, c'est pas de l'animation dans le sens traditionnel, en tout cas dans le format, puisque c'est du turbo média, ce qui est un mélange de bande dessinée et d'animation. C'est assez un format un peu bâtard, on va dire, mais qui est excellent et sur lesquels travaillent Malek, Balak, Bastien Vivès, entre autres, depuis un moment. Et donc là, Baïdir, c'est vraiment le premier gros projet turbo-média qui arrive. Il y a pas mal de monde dessus. C'est réalisé par Slimane Anis. Il y a Balak, Malek qui en font partie. Pas mal de noms voilà, qui gravitent autour de ce comment dire, microcosme, on va dire, de la BD. Enfin, un groupe très actif. Et donc pour l'instant, on a eu un trailer au mois de janvier qui annonce vraiment des choses très très prometteuses. Il y a un design assez incroyable, très très neuf, très frais dans la veine de ce que fait justement ce groupe-là et quelques autres. Et donc voilà, ça sera sous forme d'épisode. Le premier devrait débarquer. Dans le courant de l'année et ça s'annonce vraiment très très bon et voilà, et en plus c'est du turbo média, c'est un format qui commence à faire ses preuves. Ça va être le premier gros projet sur ce format-là et j'ai hâte de voir ça. Très bien. D'autant que le Turbo Media, il me semble, a fêté son anniversaire, ses 5 ans, depuis Ouais, c'est ça. la création du format. Donc c'est une belle chose à voir en tout cas. Alors on va revenir évidemment, certainement l'information du mois de janvier, puisque en tant que Français, nous sommes aussi un petit peu chauvins. Et nous allons revenir Pas tout notamment le sur la monde. liste. Comment? Pas tout le monde. Pas tout le monde, oui, mais c'est en nous, donc tu ne peux pas aller contre, c'est pas possible. Donc nous allons revenir sur la liste des nominés aux Oscars. Évidemment, on ne va pas vous refaire toute la liste, hein, mais on va s'intéresser uniquement, et c'est déjà pas mal, aux films d'animation. Alors, évidemment, il y a du Disney avec Frozen, donc la Reine des Neiges chez nous. Il y a le dernier Miyazaki, Le vent se lève, il faut tenter de vivre, pour son titre français. On retrouve aussi, alors c'est peut-être une surprise, j'avoue, The Croods, même si c'est une très très belle Il production, a très très bien marché aux États-Unis. Hein. très colorée, oui, en plus, ouais, donc c'est ce qui a pu aussi l'aider à arriver ici. Donc voilà, et on retrouve, donc c'est pour ça le cocorico du début de la news, c'est-à-dire deux productions françaises, alors à savoir une qui est pas forcément connue comme étant française, mais c'est le cas puisque c'est Moi chez Méchant 2, qui a réalisé un joli succès, aussi bien chez nous qu'à l'étranger d'ailleurs, hein, qui a très très bien fonctionné. Et une surprise, alors franchement qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, c'est Ernest et Célestine, un très très joli film sorti en 2012, donc il y a un peu plus d'un an déjà. Et je trouve que c'est une belle surprise, une jolie chose que de le voir ainsi récompensé, en tout cas récompensé dans un premier temps, puisqu'il fait partie des nominés aux Oscars, et ça permet aussi de le relancer et de remontrer, de reporter son intérêt sur le film jusqu'à la cérémonie. Vous en pensez quoi de cette liste? Est-ce que vous pensez qu'elle est légitime, qu'il y a peut-être des choses, des films qui auraient pu avoir leur chance, par rapport à d'autres, hein? Ouais, je suis surpris qu'il n'y ait pas Monstre Academy, qui Ouais. soit pas dans la liste. Mais franchement, dans la liste, quand je vois les films sélectionnés, je pense qu'Ernest et Célestine a vraiment toutes ses chances. Vraiment, à mon avis, ça va jouer entre celui-là et Le vent se lève. Pour moi, ça va être la Par Reine des Neiges. Ouais, moi aussi, Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Alors, je pense que la Reine des Neiges est vraiment loin devant. Mais c'est vrai que Ernest et Célestine est pour moi vraiment derrière. Enfin, c'est le deuxième, effectivement, avec Le Vent se lève qui est assez incroyable aussi. On en parlera tout à l'heure. Mais moi, chez Méchant 2 et The Croods sont clairement derrière, quoi. Et Bah, c'est vrai que. Oui, vas-y. ouais, je disais, Le Vent se lève, je trouve qu'il rentre vraiment dans les canons un peu plus américains, enfin, c'est ce que j'ai trouvé, on en parlera après, de toute façon. Mais c'est pour ça que je pense qu'il a quand même toutes ses chances. Frozen, il est un peu plus classique, mais je vois rarement de Disney avoir deux Oscars des meilleurs films d'animation, donc je sais pas, j'ai du mal à le voir. Le fait est aussi qu'il ne faut pas oublier que les Oscars, il y a quand même une grosse partie qui se joue sur la communication autour du film, la façon Ouais, le dont lobbying. il y a un lobbying très très fort. Je dirais aux artistes à l'époque où il a raflé pas mal de récompenses, il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Hein, Ouais. Oui, moi c'était un gros effort de Thomas Langman, le producteur. et de Harvey Ouais. Weinstein aussi qui produisait pour les Oui. États-Unis. Donc Oui. il y a ça aussi qui joue. Et Frozen, on l'a vu tout à l'heure en préparant l'émission avec Toontoon, c'est que Frozen a atteint quasiment le milliard de Ouais, recettes. Hein. on Ouais, mais parlait dans le box-office, c'est vraiment alors un phénomène, enfin c'est un raz-de-marée là-bas. je sais pas, parce que après il y a des films, tu vois, qui ont autant de succès comme des gros blockbusters comme des vraiment des gros films américains, mais je pense pas que ce soit complètement lié justement au succès du film dans les salles. Je pense vraiment que The Artist, il a marché aussi parce qu'il rendait hommage au cinéma américain et que voilà, ça les a caressés dans le sens du poil, c'est ce qui a aussi marché, je pense. Oui, c'est pas faux. Mais celui-là, je sais pas, je le vois pas avoir un Oscar en fait. Je pense que s'il peut gagner, en tout cas, ce sera par le lobbying de Disney. Oui. Après, si Ernest et Célestine a aussi cette chance, on va dire avec Le Vent se lève, mais Le Vent se lève est quand même dans un style graphique que l'on reconnaît aisément, parce que c'est un style graphique, c'est un style graphique du studio Ghibli et de Miyazaki derrière. Mais moi, Mon Chien Méchant 2, The Croods et Frozen, on est sur des films en images de synthèse. Et Ernest et Célestine a ce côté rafraîchissant, notamment de la ligne claire qui peut clairement jouer en sa faveur. Et c'est aussi un film qui est pas, ça fait partie de ces films qui est pas idiot, c'est-à-dire qui va parler aussi bien aux enfants qu'aux parents. Oui, c'est ça, ouais. Il y a une double lecture et pour le coup, il a vraiment toutes ses chances, comme tu disais au début, pour remporter la statuette. Mais ça, voilà, on verra ça. On verra, ouais. La Par contre, c'est vrai cérémonie. que ce que tu disais, l'absence de Monstre Academy est assez étonnante Ouais, c'est surprenant. aussi. Ouais. J'étais prêt à dire, c'était parce que c'est une suite, mais non, parce qu'il y a Mamoche et Méchant 2. Donc ça ne Non, et marche puis bon, pas. Toy Story 3 a eu un Une Oscar. exacte. Donc, je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est difficile de deviner exactement Comment ça se pourquoi un passe, ouais. tel y est et un tel n'y est pas, donc c'est difficile, mais c'est vrai que qualitativement, pour moi, Monstre Academy, par exemple, est meilleur que Moi-Moche et Méchant 2, quoi. Oui, c'est certain. C'est sûr. Donc voilà, voilà pour les news. D'autres choses à rajouter, messieurs? Non. C'est bon pour Non, vous, vive alors? Ernest et Célestine. Oui, exactement. Exactement. Et il faut, faut. Si vous avez l'occasion de le voir à chaque fois, sur Canal+, il passe encore à des heures indues, mais bon, ça, c'est pas. On fait avec les moyens du bord, on va Ah dire. si, je voulais Oui. dire, j'avais oublié un petit peu, mais un léger coup de gueule, c'est par rapport à l'annonce de la liste des nommés. Justement, quand on a appris qu'il y avait Le Vent se lève et Ernest et Célestine dans la liste, en France, on a beaucoup entendu parler de la nomination de Le Vent se lève et très peu d'Ernest et Célestine. Et je trouve ça vraiment dommage de. On est en France, on a un film remarquable qui est nommé aux Oscars, et on n'en parle pas ou très très peu, contrairement au Vent se lève. Alors oui, c'est un Miyazaki, c'est son dernier, il est extraordinaire, mais comme tu le disais au début, soyons un peu chauvin et soutenons Ernest et Célestine, quoi. Peut-être, alors j'ai peut-être deux bémols par rapport à ça. Peut-être aussi qu'on en a parlé plus parce que la sortie du film était plus proche C'est vrai. par rapport à ça. Et ensuite, par rapport à moi, Ernest et Célestine, j'ai eu quelques échos. J'avais Je l'ai appris en fait à la radio, c'était sur France Info à l'époque où en fait ils ont interviewé le scénariste Daniel Pénac. Et donc voilà, il y avait aussi ce côté, c'est vrai que c'était plus de l'instantané que sur la longueur. C'est pour ça aussi que je comprends tout à fait ton coup de gueule, mais voilà, le vent se lève aussi pour lui, son calendrier favorable entre la date de sa sortie et le moment où ça a été annoncé dans la liste. Tout à fait, mais il y a quand même un monde entre se réjouir du vent se lève et ne pas parler du tout d'Ernest et Célestine. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais, je pense que là, c'est vraiment une question de timing. En fait, c'est comme le film est sorti à ce moment-là, et que Ernest et Célestine est sorti il y a quand même un moment. Ouais, mais il y a un an, quelques mois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Après, tu vois, je suis pas sûr que ça serait. Si le film Ernest et Célestine était sorti maintenant, je suis pas sûr que non plus qu'on en aurait parlé, mais je pense que ça joue quand même un peu, quoi. Oui, je pense que ça joue aussi. Mais voilà. Enfin, c'était mon petit coup de gueule. Eh bien, je vais te laisser la parole, de toute façon, Antoine, puisque, comme à ton habitude, traditionnellement, depuis le début de l'émission, tu vas nous parler du box-office, et notamment le box-office sur le mois de janvier, qui a vu déjà pas Première mal de semaine de sorties, février aussi. et un petit peu de février aussi, oui, tout à fait. Eh bien, je te laisse la parole. Ouais, mais on va commencer avec Le Vent se lève, donc qui est sorti. La date c'était le 23, je crois, 23 janvier, C'est 21, 21 janvier. Et donc on a les chiffres que sur 2 semaines. Donc en 2 semaines, il a fait 436 000 entrées avec 276 copies, ce qui est pas extraordinaire, mais c'est plutôt pas mal aussi. Enfin voilà, c'est plutôt, on va dire, dans la moyenne. Après, je sais pas sur la longueur comment il va se comporter. Là, on a les chiffres que sur 2 semaines, ça fait 4 semaines qu'il est sorti. Pour rappel, très rapidement, le Chihiro, c'était donc le film le plus. Le Ghibli le plus vu en salle. C'était Chihiro avec 1 461 000 entrées. Ensuite, c'est le château ambulant avec 1 200 000. Et Arrietty, 933 000, qui est le troisième. Le vent se lève, je pense que il peut, sur la longueur, il peut-être atteindre Arrietty et après dépasser le million. J'en suis pas sûr du tout, quoi. C'est marrant parce qu'on pourrait croire qu'il fasse plus d'entrées que ça, Miyazaki notamment, depuis qu'il a reçu son Lion d'Or pour le voyage de Chihiro. Bah, le problème, c'est que le Lion d'Or, ça parle pas à grand monde. Non, non, mais je veux dire, après, il Et. peut y a, tu vas avoir cet effet d'entraînement qui Il fait que y a les. toujours. Enfin, c'est toujours un événement quand ça sort. Mais ça reste un film d'animation japonaise. Et Ouais. Mais c'est donc, dingue ce. Bah... c'est pas des films qui font beaucoup d'entrées, quoi. Ce décalage qu'on peut avoir, quoi, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que, bah, à chaque fois, ils sont acclamés par la critique, enfin, la plupart du temps. Et c'est vrai qu'il y a ce paradoxe un peu où au final, bah, il n'y a que 2 films Ghibli qui ont fait 1 million d'entrées. Bon, après, il y en a peu bah, depuis Chihiro où ils sortent à peu près en même temps que quand. Enfin, la même année ou avec 1 an de décalage avec le Japon. Ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il n'y avait pas de sortie ciné. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi de juger sur l'entièreté de la filmographie, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, tout à fait. Après, il y a Minuscule. eu Minuscule qui est un peu la bonne surprise en termes d'entrée sur le mois de janvier, puisqu'en 2 semaines, il fait 659 000 entrées, C'est un beau avec score. 468 copies en 2e semaine. C'est plutôt un très joli score, ouais. Sachant qu'il est sorti 1 semaine après Le Vent se lève, il est sorti le 29. Donc oui, un très joli score et bah pareil, beaucoup de très bonnes critiques. Et puis le côté, enfin il y a un côté champêtre et tout qui est plutôt cool, je trouve. Enfin voilà, pour les enfants. Oui, ce qui peut expliquer ces chiffres-là aussi, c'est l'existence, le fait que Minuscule en tant que tel existait à l'origine en tant que série télé. Oui, et que ça a qui quand même était diffusé duré, sur France Télé, je crois. c'est ça, sur France 5 à l'époque, et il y a eu pas mal de saisons, je crois qu'il y a 4 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Et ce qui, voilà, ce qui peut montrer aussi l'engouement, on connaît pas forcément. Moi, au début, j'ai découvert en minuscule quand le film a été annoncé. Après, pour le coup, j'avais pas vu la série pour autant, mais pour avoir vu le film, je comprends très bien l'intérêt que peuvent avoir les gens à aller le voir. Tout à fait. En tout cas, oui, c'est un beau débat, pardon, un beau démarrage. Et je pense qu'il atteindra le million sans trop de soucis. Surtout en cette période de forte Bah là, il y a concentration, les vacances qui arrivent aussi, donc en plus, ça va ouais. peut-être le relancer un petit peu. Même si le mois de février n'est pas spécialement à son avantage vu toutes les sorties qu'il Ah a. oui, l'embouteillage est monstrueux. Et du coup, on arrive à la semaine du 5 février avec deux sorties importantes, Jack et la mécanique du cœur et Tempête de boulettes géantes. Deux. Deux, pardon. L'île des miens de L'île Nemo. des Miam Nemo, exactement. Donc le premier, Jack et la mécanique du cœur, a fait 195 000 en première semaine avec 380 copies. Et Tempête de boulettes géantes 2 a fait 207 000 avec 534 copies. Donc c'est un démarrage très faible pour Tempête de boulettes géantes 2, je trouve. Surtout quand tu compares au nombre de à sa présence en salle, puisque 534 copies, c'est quand même Ouais, alors énorme. on en parlait un peu avec Chronos. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais, il y a eu, enfin les séances sont assez bizarres, enfin du côté de chez toi, Chronos en tout cas. Ouais. À Paris, ouais, c'est par exemple à Châtelet, j'ai que la première semaine, il n'y avait pas de séance en semaine sauf le mercredi. Et même en général, dans toutes les salles, sans exception, il n'y a aucune séance après 18h30. Du coup, si on est des adultes qui travaillent et on veut le voir le film après le boulot, quoi, c'est pas possible, quoi. Donc, même s'il y a plus de copies que Jack, il y a malheureusement moins de séances, j'ai l'impression, et la diffusion est pas évidente. Ouais, c'est étrange. Ouais. Donc, Donc je pense que ça joue pas mal aussi, je pense. ouais, ça peut peut-être expliquer ça, mais je pense qu'il y a, enfin, il y a eu une très grosse campagne, je trouve, marketing. J'ai vu Et énormément d'affiches. c'est hallucinant d'ailleurs parce que ouais, sur la salle où j'avais été pour voir le film, c'était la première semaine de sa sortie et la salle était minuscule quoi. C'était genre à Ouais. peine une centaine de places Ah dans la ouais, salle. Ah alors ouais, moi c'est hallucinant. c'est un peu pareil, j'y suis allé le dimanche et la salle était grande, mais on était assez peu au final dans la salle. Je sais pas, la salle elle devait faire 500 places, on devait être une centaine quoi. Donc, c'est ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant Les ce diffuseurs, ils croient pas démarrage. trop au film, quoi. Et bon, Ouais. après, voilà, on verra ça pour un prochain numéro. Je comprends un peu après la vision du film, mais c'est un peu dommage, quoi. Tout à fait. C'est sûr. Et sinon, Jack et la mécanique du cœur qui fait un petit peu moins que Tempête de boulettes géantes 2, mais avec moins de copies. Bon, je pense que enfin, c'est pas un succès, mais c'est pas un échec non plus. À voir sur la durée ce qu'il va pouvoir donner en termes de résultats Voilà. sur pareil. Hein. Voilà. Mais en tout cas, les critiques sont plutôt positives. Sur ce film, ce qui n'est pas mon cas, puisque je l'ai vu et j'ai été plutôt déçu. Et tu en parleras après, plus J'en tard, parlerai dans l'émission prochaine. qu'on va vous expliquer après le pourquoi du comment. Voilà, et donc, ouais, bah, sur 95 000 copies, entrées, je veux dire, c'est pas mal. Je pense qu'il peut faire un peu plus avec les vacances. Mais bon, comme pour Minuscule ou Tempête de boulettes géantes, la concurrence est extrêmement rude sur le mois de février, là, et il y a un bulldozer qui arrive la semaine prochaine, et je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de mal à ces films-là. Ouais, tout à fait. Alors, tu voulais revenir également sur un des grands succès de l'année 2013 et un de tes gros coups de cœur au niveau de la musique, notamment La Reine des Neiges, qui a atteint des scores, un score notamment en termes de recettes très très impressionnant. Ouais, parce que bah là, il est encore en exploitation en France d'ailleurs, on le voit encore à l'affiche. Je pense que c'est sa dernière semaine. Enfin, il passe pour te dire dans mon petit cinéma, il a dû passer par va, il a dû passer 2-3 fois au total, mais vraiment par sur 2-3 semaines différentes quoi. Ouais. Pour te dire que ça a bien marché, ça doit encore continuer à bien marcher pour le mettre Bah encore. ouais, et puis aux États-Unis, donc là on a les chiffres jusqu'au 16 février qui sont tombés. Donc il en est à sa 12e semaine d'exploitation, ce qui est assez énorme. Et il vient de dépasser le monde de Nemo en recettes mondiales. C'est-à-dire que là, il est à 955 millions de dollars de recettes mondiales. Ce qui en fait le quatrième film d'animation le plus lucratif de l'histoire. Et sans la sortie japonaise en plus, hein. Voilà, alors là, il vient de sortir. Il a une semaine d'exploitation en Chine. Et il sort dans une ou deux semaines au Japon. Donc il dépassera, enfin c'est quasiment assuré, il va dépasser le milliard. Sachant qu'il n'y a que Toy Story 3 qui a réussi à dépasser le milliard en film d'animation. Et il est à 1 milliard 63 millions. Donc c'est tout à fait faisable pour la Reine des Neiges de passer devant. Ce qui serait quand même un exploit assez hallucinant, parce que il démarrait pas pour battre un record. Il a très bien démarré, mais c'était pas le succès s'est fait vraiment au fil des semaines et il est resté pendant très longtemps en haut des box-office US notamment. Et c'est vraiment un succès très très très étonnant. Donc, attendez-vous à des prochaines productions Disney en forme de comédie musicale. Je Ouais, pense bah que. plus à des ce que ce qu'ils savent faire, enfin Ouais, c'est ça, comme c'était ce qu'ils avant. savaient faire, voilà, Ouais. contes de fées, princesses, chansons, etc. Ouais. Mais s'ils font bien, voilà, il n'y a pas de raison. C'est sûr. Alors, on vous parlait tout à l'heure justement, on évoquait certains films qui ont été vus mais dont on ne vous parlera pas ici parce qu'on s'est rendu compte que le mois de février est quand même un mois, c'est un peu l'équivalent du mois d'octobre et novembre réunis pour les sorties jeux vidéo, puisque sur le mois de février, et juste le mois de février, on a quand même 9 films d'animation qui sortent. Ce qui est assez impressionnant, et surtout des films très importants, puisqu'on l'évoquait, il y a Tempête de Legend 2, alors Jack et la mécanique du cœur. On peut également évoquer Mr. Peabody et Sherman, Les Voyages dans le Temps. La grande aventure Lego, évidemment, un gros coup de cœur en perspective, et Tarzan, Et Tintilda. Tintilda aussi, oui, exact. Tarzan, dont on n'a pas du tout entendu parler, en tout cas, moi j'ai. Je commence à avoir de la campagne marketing Pour le là cette film. semaine. J'ai vu des affiches un petit peu Ouais, j'ai vu aussi, ouais. celles qui, enfin les abribus qui sont pas occupés par le film Lego. C'est pour Tarzan. Donc il y en a pas beaucoup, mais on en voit un petit peu. Et donc, on a décidé, on pensait que c'était quand même mieux de vous proposer une émission hors sujet, en tout cas une émission supplémentaire pour parler plus tranquillement, plus posément de toutes ces sorties-là. Parce que sur une seule émission, ça aurait été compliqué de donner sa place, une place suffisamment large et intéressante à la critique. Et notamment, voilà, on évoquait le Tempête de Legend 2, dont Toon et Chronos avaient déjà vu le film et qui ont un avis divergent dessus. Donc voilà, c'est aussi une façon de pouvoir poser plus simplement la critique et de pouvoir en parler plus facilement. Et on vous proposera ça très rapidement. Donc dès que tous ces films-là seront sortis, dès qu'évidemment on les aura vus, parce que si on les a pas vus, il n'y a pas forcément intérêt de le faire. Donc voilà, je voulais également parler rapidement d'un événement qui aura lieu donc du 20 au 23 mars 2014 dans le nord de la France. C'est la 10e édition d'une fête qui est bien connue, puisque c'est la fête de l'animation, qui va se dérouler sur 3 villes du nord, c'est-à-dire Tourcoing, Lille et Roubaix. Donc au total, il y aura plus de 150 courts-métrages et une dizaine de longs-métrages d'animation qui seront visibles durant les 3 jours de l'événement. Alors parmi les invités, alors on va retrouver Makoto Shinkai, réalisateur notamment de Voyage vers Agartha, et plus récemment sorti en DVD chez Kazé de The Garden of Words, et également de Christophe Serrant, directeur de l'animation chez DreamWorks, qui a travaillé notamment sur The Crawl, The Dragon. Et nos voisins les hommes, la chose intéressante aussi, c'est qu'il y aura de nombreuses masterclass qui sont prévues. tout comme tout comme les projections, pardon, de films d'écoles d'animation, des rencontres avec des studios et des artistes indépendants. Autant dire qu'il y a énormément de choses à voir et à faire sur les 3 jours de l'événement. Pour plus d'informations, il y a un site internet http://www.fete-anime.com et vous pouvez retrouver toutes les informations. Alors, notamment parmi les dizaines de longs métrages d'animation qui vont être diffusés, il y aura pas mal de films d'animation de 2013. Donc, ce sera l'occasion aussi de les voir pour ceux qui ne sont plus à l'affiche aujourd'hui en France. Et bien voilà, je pense qu'on va pouvoir tout de suite aborder le vif du sujet avec notamment le cahier écrit, ben, le vif du sujet. La première marche du vif du sujet avant le thème du jour, avec le cahier des critiques. Deux films principalement qui vont être évoqués aujourd'hui, c'est Albator. Tonton, tu l'as vu? Bien sûr que non. Et Chronos, tu l'as vu? Non, pas du tout. Très bien. Ben non, je l'ai vu pour pouvoir en parler évidemment du film. Et on évoquera évidemment Le vent se lève, hein, le dernier film de Hayao Miyazaki, où il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'informations à dire, pas mal d'avis à donner sur ce film foisonnant pour ce dernier film d'ailleurs de Miyazaki. その命を狙う暗殺者、人類の未来を揺るがす運命が動き出す。 Alors, on va commencer tranquillement avec Albator. Donc, Albator réalisé par Shinji Aramaki, qui a notamment réalisé auparavant Appleseed Ex Machina. Il a également travaillé sur un segment d'Halo Legend et sur le film d'animation Starship Trooper. L'intérêt aussi de ce réalisateur, c'est qu'il a une expérience très importante au niveau de la réalisation de films d'animation en images de synthèse, ce qui est plutôt rare chez les réalisateurs japonais. Alors, l'histoire. L'histoire, alors, ça se passe en 2977, une époque où les êtres humains ont colonisé l'univers, et ils décident, en fait, par rapport à la... devant la raréfaction des ressources, pardon, ils décident de rentrer sur Terre, malheureusement, évidemment. Un conflit éclate parce qu'il y a 500 milliards de personnes qui reviennent sur Terre, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a un conflit qui éclate jusqu'à ce que la coalition Gaïa reprenne les choses en main. Albator, que vous connaissez tous, j'espère, capitaine du vaisseau Arcadia, souhaite retourner sur Terre également et devient dès lors l'ennemi de la coalition. Cette dernière, alors que l'Arcadia reste insaisissable, décide d'envoyer un espion pour l'assassiner en la personne du jeune Yama. Alors, c'est déjà un plaisir pour le coup, pour avoir revu le revoir au cinéma, de revoir Albator, qui est bien rendu franchement en 3D. La présence de Shinji Aramaki au staff du film est très importante, puisqu'elle valide cette expérience-là, est complètement validée par un très très joli travail sur le film, hein. En termes de graphisme, c'est vraiment très joli. Il y a beaucoup d'effets très très bien travaillés. Je pense notamment, vous avez des effets en fait de fumée à différents moments, notamment quand l'Arcadia passe en hyperespace, qui sont assez bluffants d'ailleurs. Parce que moi j'avais le souvenir, je pense que vous aussi d'ailleurs, de films en 3D réalisés par des Japonais qui étaient assez... quand je dis en 3D, pardon, c'est en image de synthèse. Donc en image de synthèse qui était assez gauche, où il y avait une sorte, on va dire, d'apesanteur au niveau des personnages. Voilà, il manquait quelque chose. Et pour le coup, là, il y a vraiment un gap qui est franchi. Le film rattrape même par certains points des réalisations américaines qui sont quand même très très jolies. Alors, un bémol quand même, c'est le côté rigide des personnages qui est quand même assez visible. Par contre, le gros point fort, c'est le fait que Le chara-design de Leiji Matsumoto est très très bien retranscrit à l'écran en 3D, en image de synthèse, ce qui est un très très bon point à ce niveau-là. Alors, le bémol le plus important certainement du film, c'est le rythme qui varie énormément en fait. On va commencer, il y a quand même une bataille assez importante qui démarre dans les 10 premières minutes du film, et après ça va devenir beaucoup plus calme et ça va devenir beaucoup plus hasardeux sur les 1h50 que dure le film. Donc on se rend compte finalement, bah, 1h50, ça peut passer très vite comme ça peut passer très très lentement, hein, tout dépend de la façon dont c'est découpé. Et là, il y a des fois où voilà, il y a des trous au niveau de l'intrigue qui font que ça ralentit beaucoup le rythme du film. Alors autre chose aussi, c'est le faible développement des personnages secondaires, pardon. On ne prend pas forcément énormément de choses sur eux, donc il n'y a pas d'empathie réelle qui se crée vis-à-vis de ces personnages-là. Ce qui est dommage, parce qu'il y a, je dirais, Albator, il y a quand même une mythologie autour des personnages, autour de l'univers qui est très très forte aujourd'hui encore, alors que c'est un manga qui date depuis des années 70. Le méchant, pareil, le méchant, en fait, il manque de charisme, et donc derrière, ça impacte vraiment sur le fait que voilà, on n'a pas l'empathie, on n'a pas envie, voilà, de le voir. Voilà, on s'en fiche un peu de son destin, entre guillemets, puisque voilà, il y a pas cette là encore cette empathie qui va se créer vis-à-vis du personnage et qui va vraiment nous transcender vis-à-vis du film. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que on a quand même des ennemis d'Albator, notamment je pense aux premiers ennemis connus, les Sylvidres, qui étaient autrement plus charismatiques et autrement plus intéressantes à voir, parce que bah, notamment dans le film, il y a un des membres de ce peuple qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'Arcadia, notamment à son fonctionnement tout court, voilà. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ces personnages-là. Ça m'a fait un peu penser au. Bah, vous avez certainement vu les Sherlock Holmes façon Guerrici, où le premier film, on va dire, est plus là pour développer un environnement, développer une ambiance avec un méchant là encore absolument pas charismatique, avant d'introduire Moriarty, donc l'ennemi héréditaire légitime, on va dire, de Sherlock Holmes lors du deuxième film. Ben, on retrouve un peu ce problème-là sur Albator. Alors c'est pas sûr du tout même qu'une suite soit prévue, mais si une suite est prévue, j'espère fortement que ben, justement qu'on fasse appel à ses ennemis connus du plus grand nombre, à savoir notamment les Sylvides, hein, donc notamment sur la série Albator 78, sur les 5 tomes du manga également. Il y avait aussi les androïdes qui étaient les ennemis qui se dressaient face à Albator, c'est dans la série Albator 84, etc. Donc il y a quand même un bestiaire suffisamment important pour pouvoir donner matière à plus de choses et plus d'intérêt par rapport au film. Alors, clairement, ça fait plaisir, comme je le disais au début de cette critique, ça fait plaisir de revoir Albator au cinéma, hein. Plus avec une forme qui le met vraiment très très bien en valeur. Il y a vraiment ce côté poussif du rythme, quelques petites choses au niveau de la réalisation des plans choisis qui sont toujours un peu hasardeux, voilà, qui font vraiment les Japonais entre guillemets dans l'âme, comme comment ça s'appelle, des gros plans directement sur le visage des personnages. Façon, voilà, on arrivait sur la Terre, et là tout de suite, c'est un procédé qui fait très très japonais. En tout cas, c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai vu ça. Mais voilà, c'est alors si vous n'avez pas vu Albator, ça me paraît compliqué quand même d'apprécier à sa juste valeur, hein. Ceux qui connaissent Albator, qui l'ont vu, auront cette excuse à lui donner que voilà, on est content de le voir, même si c'est pas génial, ça fait toujours plaisir de pouvoir profiter de ce projet-là. Alors, ce qui est intéressant aussi en termes de chiffres, c'est que la 3D est quand même très très bien réalisée. On est sur un film qui est quand même un petit budget, parce qu'on est sur un budget de 30 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme. Si je dis pas de bêtises, alors on avait vu à l'époque Plane, et c'était 40 millions de dollars de mémoire au niveau du budget, et là on a Ouais, vraiment 50. 50 millions. Et ben, justement, encore plus, Albator, je trouve vraiment encore plus intéressant, encore mieux réalisé, plus intéressant, voilà, c'était pas compliqué d'être plus intéressant que Plane, évidemment, mais beaucoup mieux réalisé, avec une meilleure gestion des moyens pour la réalisation. Et ça se voit à l'écran, voilà, qu'il y a un vrai travail à ce niveau-là, et surtout, voilà, quand on le compare à notamment La Reine des Neiges, où on était sur un budget de 150 millions de dollars, soit 5 fois plus, il n'y a pas une donc plus grosse différence entre les deux, quoi. Donc voilà. Alors, dans le même temps, je vais juste parler du fait que Kana, qui avait déjà édité en son temps les mangas d'Albator, les cinq tomes de la série, ont réédité dans un seul et même volume de plus de 1000 pages le manga original. Donc c'est une bonne chose aussi pour pouvoir se mettre, pour pouvoir découvrir cet univers-là et ces personnages-là, évidemment, si vous ne les connaissez pas. Donc voilà, des choses à ajouter par rapport à ça, messieurs? Non. Non. Non, ça donne. Je suis assez curieux de voir ça parce que c'est vrai qu'en 3D, les japonais, enfin, l'image de synthèse des japonais n'ont jamais été très performants, C'est on va assez dire. antinomique, en effet, ouais, tout à Ouais. fait. Et du coup, si ça a de la gueule, c'est vrai que je suis curieux de voir ça, quoi. Et ben, ce sera l'occasion de ben, pour toi, peut-être aussi pour Tonton, d'aller le voir. Mais en attendant, on va parler, alors c'est certainement le gros morceau avec le thème que l'on abordera plus tard, mais forcément le vent se lève. Dernier film de Miyazaki. Alors exactement, le titre français c'est Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Donc voilà. L'histoire, alors on va quand même parler de l'histoire avant de vous laisser la parole. Hein. Inspiré par le fameux concepteur d'avion Giovanni Caproni, Giro rêve de voler, de dessiner des magnifiques avions, mais sa mauvaise vie l'empêche de devenir pilote. Il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Et on le verra notamment puisque c'est le concepteur du Zéro, le fameux avion utilisé par les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors messieurs, qui est-ce qui veut commencer? Qui est-ce qui veut donner son avis par rapport au film hein? Chronos hein? Ouais, j'étais très très surpris parce que j'attendais pas spécialement le film. Comme à chaque Miyazaki, en fait, je vois la bande-annonce et ils ont de façon assez classique de faire la bande-annonce. Et du coup, je voyais ça, je me disais bon, bah, c'est un Miyazaki. L'histoire a l'air chouette, mais bon, j'attends de voir en fait ce qui va se passer. Et c'est vrai que j'étais assez surpris parce que c'est beaucoup moins onirique que ce qu'il a fait avant. C'est un peu plus terre à terre en fait, c'est très très autobiographique. Il suffit de voir le gamin avec ses grosses lunettes, on reconnaît immédiatement Miyazaki. Et c'est vraiment passionnant en fait, déjà sur tout l'univers de l'aviation, sur l'aéronautique et tout, c'est vraiment intéressant. Et après, avec cette histoire de ce designer qui sera l'origine des héros japonais. Qui est sacrément égoïste, qu'on a du mal à apprécier, mais au fur et à mesure on comprend ses rêves, on comprend ses désirs justement d'avoir le plus bel avion qui soit. Et à côté de ça, tous ces personnages qui gravitent autour de lui, qui essayent de faire agir, mais qui savent très bien, comme comme dans l'histoire, on voit avec sa femme qui comprend parfaitement ses désirs, et il y a une scène qui est vraiment cruelle où où elle est malade sous la couverture et elle regarde son mari travailler, et du coup elle demande de tenir la main, et du coup le mari qui est en train de travailler pour pas qu'il arrête de travailler, il rapproche juste la table, il tend la main et il continue à travailler alors que sa femme est malade juste à côté. C'est Et d'ailleurs, il a une phrase, je l'ai trouvée horrible sur le avec moment. la cigarette là où il commence à fumer. Non, juste avant, quand il dit en fait que s'il y avait un concours de celui qui travaille le mieux avec la règle à calculer à une main, Ah oui. il serait Ouais, largement voilà. champion. Et je Et l'ai c'est ça trouvée qui. ultra cruelle Ouais. cette phrase. Et c'est ça qui est assez fort en fait, c'est que le personnage, il est vraiment pas antipathique, parce qu'il n'est pas méchant en soi, mais c'est juste qu'il se rend pas compte qu'il est méchant en quelque sorte. Et c'est assez fort de faire ça justement dans un Miyazaki. Et Il est très humain en fait. il est très humain, ouais. C'est ça qui est passionnant dans ce film-là, et que je trouve vraiment osé, et que ça change de ce qu'il a fait avant. Et même par rapport à sa carrière, c'est vrai que c'est. Je pense que je verrai pas d'autres films en fait pour finir sa carrière. Je pense qu'il résume très bien toute sa carrière sur son passé, sur le fait que peut-être qu'il a justement vécu comme ça aussi, à fond sur sa passion, et il y a aussi des références à son père qui était aussi designer, sa mère qui avait aussi c'est quoi la maladie déjà qu'elle a? C'est C'est pas une une mononucléose, mononucléose, un ouais, truc c'est comme ça, ça. ouais. Qui avait la même maladie, donc je pense qu'il parle vraiment de lui dans ce film-là, et c'est ça qui est assez fort, qui est assez touchant aussi dans le film. En plus de toutes les qualités de D qu'il y a, enfin, le film est vraiment magnifique, il est bourré de détails, c'est super bien animé, enfin. La fameuse scène du tremblement de terre est Ah, incroyable. c'est fou, quoi. À C'est fou. vivre au ciné, c'est. Les bruitages aussi, parce que les bruitages sont faits beaucoup à la bouche. Ouais, Ouais, notamment tous les les motos avions. d'avion, ouais. C'est tout à la bouche, et juste ça renforce ce côté un peu onirique, ça rajoute un peu de magie. Même le tremblement de terre, c'est aussi des bruits à la bouche, il me semble. Ah là là, ouais, c'est horrible. Bah, c'est horrible. C'est marrant parce que vous parlez d'un personnage qui est égoïste, mais on le voit quand même qu'il est. Il est serviable. Il est serviable parce que par rapport au. Bah, suite au tremblement de terre, voilà, il n'hésite pas à aller de sa personne, à aider de sa personne de. Bah, notamment celle qui deviendra sa future femme et une de ses servantes. Oui, enfin, oui, pardon, oui, c'est vrai. Oui, alors, pardon, oui. Et c'est ça qui est assez fou, ouais. C'est Ce sera coupé au de voir que montage. ce mec, il est poli, il est serviable et tout, et par contre, quand il s'agit de sa passion, il laisse rien passer. Et il est terriblement égoïste et. Ouais. Elle a même jusqu'à analyser son repas pour retrouver ce qui pourrait lui Ah permettre ouais. d'améliorer son. Bah le, ses dessins et son futur avion. Alors, Toon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, je rejoins totalement ce que dit Chronos. Notamment, bah, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de résumer le film en disant que c'est tout ce qu'a pu faire Miyazaki, c'est vraiment toute son œuvre, mais dans un film totalement différent de ce qu'il a fait auparavant. Vraiment très atypique par rapport au reste de sa filmographie. Et pourtant, il y a tous les éléments qui ont fait son œuvre, quoi. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas meilleur film pour finir sa carrière. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'il a pu faire avant. Et le film est tellement riche, que ce soit visuellement ou dans ce qu'il aborde, parce que oui, il y a ce côté très humain qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films. Avec toute cette partie où on le suit, bah, en plus le film a un rythme très particulier avec énormément d'ellipses, où on ne sait pas trop où on se trouve parfois dans le temps, et qui permet de suivre la carrière du héros. Et je trouve que le rythme est vraiment parfait en fait. C'est lent, mais c'est pas ça dit pas rien. Chaque scène a vraiment son importance et raconte quelque chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit Romain, la façon, rien qu'en analysant son repas qu'il a d'évoluer dans son travail, etc. Chaque scène raconte quelque chose, même si elle paraît anodine au début. Et puis il y a cette relation avec sa femme qui est assez incroyable et qui, enfin, c'est la première fois qu'on le voit comme ça dans un Ghibli. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on le voit aussi explicite. On voit un baiser, on voit Oui, c'est vrai ça. il y a des choses qu'on voyait pas avant. Et d'ailleurs, Miyazaki en parle dans ses très nombreuses interviews qu'il a données depuis la sortie du film, où il dit c'est le premier film où il ne se soucie pas de la lecture qu'en auront les enfants. Et il ne pense pas à eux en premier. Il raconte d'abord pour les adultes et les enfants comprendront plus tard. Exactement, tout à fait. Et ça se ressent totalement. Et c'est aussi parce que bah, il y a aussi ce contexte de la Seconde Guerre mondiale où j'ai entendu beaucoup de critiques dessus en disant que soit on critiquait le film parce que il montrait pas assez les horreurs de la guerre, soit on le trouvait trop partisan envers l'inventeur du Zéro et qui est un avion qui a permis les kamikazes et beaucoup de choses comme ça. Enfin, un avion de guerre, quoi, un chasseur. Et au contraire, je le trouve vraiment très intelligent dans son propos, dans la façon de le raconter, de raconter cette guerre, justement. C'est que c'est jamais dit, c'est toujours sous-entendu. Mais c'est vraiment très acerbe dans la critique, justement, de son pays, de son gouvernement, son implication dans la guerre. Notamment avec les scènes avec cet espion rencontré pendant ses vacances. Il y a plein de. Enfin, cet espion, non, c'est même pas un espion d'ailleurs, Non, c'est c'est pas un espion, juste. Oui. c'est un touriste, C'est. un touriste Ouais, allemand. mais ouais, il va y avoir quelques événements autour de ça. Mais c'est vraiment. Il y a vraiment cette lecture adulte. Dans le sens où c'est pas explicite, mais c'est clairement dit, c'est clairement sous-entendu, et c'est enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment limpide. Et on retrouve vraiment les propos qu'a toujours tenu Miyazaki, notamment sur l'implication de son gouvernement dans la guerre. Comme il disait aussi, je crois que c'est Toshio Suzuki sur Miyazaki. Miyazaki, c'est un homme paradoxal, c'est-à-dire qu'il aime les avions de guerre, mais il déteste la guerre. Et bah c'est clairement c'est C'est le le cas thème du de film, quoi. c'est le thème du film, tout à fait. Et on le voit à travers les rêves qui sont magnifiques. Ouais. C'est vraiment, ça fait partie de mes scènes préférées du film. Oui. Les rêves sont incroyables, et notamment bah, les rencontres avec le designer italien dont j'ai perdu le nom. Génie Caproni. Caproni, ouais. Ouais. Qui sont vraiment remarquables. Ces scènes-là et qui explique tout à fait ça, ce paradoxe qu'il y a entre ce qu'il fabrique et ce que lui voudrait. Faudrait que les gens en fassent, ouais. C'est sûr. Et ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que c'est la première fois aussi dans Miyazaki, dans un film pour un film réalisé par Miyazaki, qu'il y a autant de références à des choses qui existent réellement. Je pense notamment à Jane Caproni, je pense aussi notamment quand vous parlez de cet Allemand que le héros, que Jiro rencontre pour la première fois. Bah, lui va faire aussi des références à des romanciers comme Thomas Mann, notamment qui a écrit, pardon, la Montagne Magique. Et c'est plein d'éléments comme ça qui font que c'est un film spécial parce qu'on est très loin du rêve et du rêve qu'avait pu créer quand on regarde Un Voyage de Chihiro, quand on regarde Le Château Ambulant, il y a toujours cette part d'improbable qui existe, alors que là il y a toujours le rêve qui existe, évidemment il y a notamment les rêves quand il fait la rencontre avec cet ingénieur italien, mais voilà, c'est vraiment un film qui, en plus, qui donne à réfléchir, et c'est toujours aussi intéressant, même si évidemment c'est pas pour les enfants, en tout cas c'est pas pour les enfants aujourd'hui, ça le sera aussi plus tard quand ils reverront le film et quand ils pourront se poser les bonnes questions à ce moment-là. Ben voilà, c'est un super film. En tout cas, c'est comme tu disais, Chrono, c'est une super conclusion pour un réalisateur qui a quand même fait rêver de nombreuses personnes en allant au cinéma et en allant voir ses films. Et aussi, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais vraiment, techniquement, il est incroyable. Au niveau des animations, au niveau de même artistiquement, les couleurs et tout. Le voir au ciné, faut absolument le voir au ciné, quoi. Oui, C'est là-dessus, c'est. éclatant de beauté. Ce film est vraiment incroyable. Enfin, voilà, c'est visuellement, c'est une claque énorme. Plein les yeux et plein les oreilles aussi. Parce que la musique, Ouais. les sons et tout, Et le doublage aussi fou, français quoi. est très bon. Oui. Ah, j'ai pas vu en français, ouais. Je sais pas ce qu'il vaut. Justement, je voulais te poser la question avant qu'on parle du doublage français. Le doublage, on peut en parler rapidement, mais le doublage français, ce qui est bien, c'est qu'on fait pas attention au doublage. Donc, quand on n'y fait pas attention, ça veut dire qu'il est bon, quoi. Et Donc c'est-à-dire carrément, ouais. qu'on voilà, on s'arrête pas sur les voix, et les voix sont bien choisies. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Par contre, moi, je vais te demander parce que là, il y a eu aussi la critique. Tu l'as vu en VO, en Ouais, version en japonaise. VO, oui, que le doubleur était Donc, Hideaki Anno, celui qui a réalisé le Évangélion. exactement. Et je te demandais parce qu'il y a eu les gens étaient, ce sont parce que lui, en fait, il a la voix de Jiro adulte et C'est les gens ça, à ouais. partir du moment où ils l'ont entendu dans sa voix d'adulte, en fait, sont un peu sortis du film. Mais pas du film, mais on va dire par rapport au personnage, il y avait une différence entre la voix et le personnage. Qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé, bah, toi? je dois admettre qu'effectivement, on passe vraiment du gamin à l'adolescent. Il n'est pas complètement adulte, il doit avoir, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça. Et effectivement, je crois que la première fois qu'on l'entend à ce moment-là, c'est dans le train avant le tremblement de terre. Et c'est assez surprenant, moi, ça m'a surpris au début. C'est vrai qu'il a une voix vachement grave, en fait, par rapport à son physique et à son âge. Mais bon, ça dure, je sais pas, 5-6 minutes, quoi, pas plus. Parce qu'après, on s'habitue et puis on n'y fait plus trop attention, donc. C'est vraiment au tout début, effectivement, ça choque un peu. Ouais, tu m'étonnes. Et pour la petite histoire, je crois que je l'avais déjà évoqué dans un précédent numéro de Celluloid. C'est que Miyazaki a aussi passé le test pour pouvoir avoir sa voix donner sa voix à un des personnages, et en fait il a été recalé par l'équipe. Donc les gars qui ont recruté les personnes avaient quand même les nerfs solides pour refuser Faut être un peu cool quand au même, réalisateur, ouais. pardon, ça, pour son Désolé. dernier film de lui permettre d'avoir une voix, de donner sa voix à un des personnages Ah, c'est du moche quand film, même. quoi. Ah oui, là, c'est sûr. Mais bon, voilà, il l'a Il a bien pas pris, je tenté de pense. doubler des avions ou de faire des bruitages du Avec film. des bruits à la bouche. C'est impressionnant, justement, ouais, les bruits à la bouche, parce que une grande partie des bruitages ont été réalisés à la bouche. Alors ça s'entend, et en plus c'est assez fascinant parce que je sais pas comment dire, ça convient parfaitement au film, en fait. Même ça convient parfaitement On au. s'en rend pas spécialement Oui, compte pendant le ouais. film. C'est ouais, mais on sent qu'il y a un truc bizarre. C'est ça Ouais. qui est assez malin, c'est que ça renforce ce côté. Enfin, ça donne un côté vachement onirique, en fait, un peu rêve éveillé. Ça marche pas bien, quoi. Ah, mais en fait, non, je vous dis des bêtises, pardon, Miyazaki, c'était pas pour donner sa voix à un personnage, c'était justement pour participer au bruitage. Ah, d'accord. Donc même pour ça, Donc il faisait passer bien l'avion. il a été mauvais pour pouvoir passer ce casting, quoi. Ah, qu'il est mauvais. Ah, il va pouvoir s'entraîner, hein, il aura le temps. Oui, c'est C'est vrai. sûr. Bah, il va passer notamment au dessin, au travail sur un manga. Et d'ailleurs, les planches, est-ce qu'il a réalisé des planches pour introduire Le Vent se lève, en fait, en manga? Et elles sont assez magnifiques, les planches qu'il a réalisées. Ah oui, franchement, oui, elle va vraiment le détour. Hein. Ça c'est clair et net. Je voulais juste finir, parce que j'avais trouvé l'information, est-ce que je vais la retrouver, je ne suis pas sûr du tout. C'est juste un des nombreux papiers qu'il y avait eu sur Miyazaki qui a découvert en fait que le personnage, où il y avait un élément du film du Vent se lève qui était présent au studio Ghibli depuis plus d'une dizaine d'années. Et les gens n'avaient pas forcément fait le rapprochement ou n'avaient pas forcément fait attention à cet élément-là avant que le film soit produit, avant que le film soit réalisé. Ah oui, J'avais entendu parler de ça. Donc ça montre quand même le bah, il a souvent eu d'ailleurs des projets qui ont été retardés. Bah celui-là a 8 ans quand même. Anne, Il a c'est mis oui. 8 ans pour le réaliser, donc ça veut dire qu'il l'avait en tête depuis plus longtemps que ça. Bah, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Puis ce côté forcément l'aviation qui là c'est une de ses passions avec les cochons, c'est une de ses passions sur bah, qu'il voilà même ça aurait pu paraître bizarre que ce ne soit pas un film avec des avions qu'il réalise pour son dernier film. Ça aurait été étrange parce qu'il a quand même une passion, ça se voit par rapport aux personnages qui sont toujours bah, notamment sur ses premiers films, qui sont toujours en train de courir, de sauter. Je pense notamment alors au générique de début de la série Sherlock Holmes, où on voit ce côté funambule de la part des personnages qui Sur le fonctionne aussi château sur de le château dans le Cagliostro ciel. aussi. Comment? Le château de Cagliostro aussi. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Lupin 3. Enfin, qui est magnifique, qui est tout à fait sympathique. D'autres choses à rajouter, messieurs? Bah, allez le voir. Ouais, c'est ça. Exactement. Je pense y retourner avant la fin de la diffusion en salle, parce que Ouais, c'est vraiment. j'allais dire la même chose, tu vois. Parce que faut en profiter, quoi. Ces ce genres de films, c'est comme, bah, c'est comme des films comme Gravity qu'il faut absolument voir au cinéma plutôt que de voir ça à la télé, quoi. Ouais. C'est une expérience en tant que telle, et même le voir, se dire qu'on regarde qu'on voit le dernier. C'est rare de se dire qu'on voit le dernier film d'un réalisateur. Hein. Bah c'est ouais, c'est pas souvent. Et puis surtout un film comme celui-là, quoi. Oui, tout à fait. Qui prête à la rêverie et qui prête aussi aux bonnes questions à se poser, quoi. Et qui permet aussi au réalisateur de bien faire comprendre son parti pris vis-à-vis, je dirais, de la violence, vis-à-vis de la guerre, voilà, de ce qui a pu être fait, quoi. Parce qu'il avait écrit notamment, ça avait aussi fait polémique à l'époque, un pamphlet dans on va dire le il avait donné en fait son il avait fait une tribune, pardon, dans c'est un magazine qui est édité par le studio Ghibli. Et où il critiquait justement la position du gouvernement actuel au Japon, et ça avait forcément fait grand bruit. D'ailleurs, pour la sortie du Vent se lève, il y a eu deux critiques assez paradoxales. D'un côté, le Premier ministre japonais qui a clairement parlé de Miyazaki dans un de ses discours au moment de la sortie, en disant à peu près que c'était un traître à la nation, puisque dans Le Vent se lève, il critiquait le gouvernement de l'époque. Et voilà, et plein de choses comme ça, et pour tout ce qu'il a fait dans le courant de sa carrière, voilà, il l'a beaucoup descendu par rapport à ça, sachant que le Premier ministre actuel et le gouvernement actuel au Japon est très bon, ce qu'on pourrait comparer à notre FN en gros, quoi. Ah, c'est nationaliste, ouais, c'est. Ouais, qui reviennent sur certaines excuses, notamment faites à la Corée du Sud par rapport à des massacres pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin voilà, c'est une ambiance assez particulière. Et d'un autre côté, justement, au moment de la sortie du film en Corée du Sud, il a été justement critiqué à l'inverse d'être trop pro-japonais dans son film et de ne pas. De ne pas parler explicitement des massacres de Coréens à cette époque. Du coup, je trouvais ça. Enfin, c'est assez paradoxal, en fait. Il est critiqué de tous les côtés, en fait. Et comme si on y voyait un peu ce qu'on voulait dans ce film-là, quoi. C'est surtout que le film, en fait, comment dire, la situation politique et même tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, etc., c'est juste un contexte, en fait, dans le film. Tout à fait. Il parle pas de ça, quoi. Et les gens ont l'air de croire que, justement, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale qui montre pas assez d'horreur, mais pas du tout. Bah, mais... C'est pas le but du C'est film, pas mais le au but, ouais. contraire, c'est il en parle indirectement, Il en parle parce que pas le sujet, mais c'est le contexte, quoi. c'est le contexte, oui. Et d'ailleurs, c'est même le film se finit un peu avant la guerre. Ouais, en plus, ouais. Oui, il en parle, mais en plus, ce qu'il en dit, enfin moi, ce que j'en comprends, C'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, il est entièrement pacifiste et que voilà, comme il l'a toujours dit, la guerre, pour caricaturer, c'est mal, quoi. Et juste pour finir par rapport à ça, il y a notamment une scène du film qui est assez qui explique bien tout ça. C'est quand justement il travaille sur les premiers plans du Zéro, pardon. Excusez-moi. Il est dans une chambre avec des ingénieurs et il se dit parce que lui en fait son but c'est de faire voler l'avion le plus vite possible. Et il dit mais on pourrait aller encore plus vite Oui, sans les mitraillettes et sans les missiles. cette scène est excellente. Et là, Oui, tout le monde se marre. tout le monde se marre, quoi. Et ça montre un peu ce côté-là, ce côté utopique qui peut avoir à l'époque, que le personnage dans la vraie vie n'avait pas forcément, mais à la limite, on s'en fiche parce que c'est l'interprétation qu'en a fait Miyazaki sur ce film-là, et c'est le message qu'il voulait passer, et c'était certainement, pardon, entre guillemets, le meilleur ambassadeur pour le faire. Hein. Donc voilà, Le vent se lève, il faut tenter de vivre, son titre complet en français, tiré d'un poème de Paul Valéry, et non pas de François Valéry. Ça casse tout. Cette référence, oui, voilà, c'est sûr. Cette référence, seuls ceux qui sont nés dans les années 80 la comprendront. Évidemment. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport au vent se lève, hein. Surtout, allez le voir. Hein. Au cinéma, profitez-en pour y aller, surtout. Ben on va passer à notre thème, le thème du jour, qui est un nom plutôt paradoxal, puisqu'il est antinomique dans sa construction, puisqu'on va parler du stop motion. C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes? Non? Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète. Alors, qu'est-ce que c'est le stop motion? Alors, on va commencer pour vous expliquer un peu le plan. Le fil conducteur de ce thème-là, c'est-à-dire qu'on va d'abord vous faire une définition voilà, assez brute pour mettre les choses en place, et puis après on va aller sur des choses beaucoup plus concrètes en vous expliquant un peu, bah, en vous donnant les clés pour voir, pour comprendre qui sont les meilleurs ambassadeurs de cet art d'animation à part entière. Qui fait encore aujourd'hui les beaux jours de nombreuses productions. Et c'est un style qu'on aurait pu croire d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on aurait pu croire qu'avec l'arrivée des films en images de synthèse, de la même manière que ce qu'on disait par rapport aux films en 2D, ça aurait pu être un style qui aurait pu devenir désuet, qui aurait pu ne plus intéresser personne. Et finalement, on se rend compte que les projets passés sont encore aujourd'hui très intéressants, mais il y a aussi encore des projets pour les années à venir qui sont assez nombreux, aussi étonnamment que vous pourrez le croire. Et donc, on va vous expliquer tout ça, voilà, très très de façon très claire. Et donc, alors qu'est-ce que c'est? Alors, la stop motion, on le connaît sous plusieurs noms. On le connaît notamment sous le nom de l'animation en volume. Alors, première définition possible qu'on a trouvée, voilà, notamment, c'est une technique d'animation qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles, ce qui est pas faux en tout cas, mais c'est assez, on va dire, assez sommaire. Une deuxième définition qui va peut-être plus complexe, mais plus se rapprocher de la vérité, c'est que donc l'animation en volume consiste à modifier la forme ou l'emplacement d'un objet solide entre deux images, chaque étape étant alors captée par une caméra spécifiquement adaptée. Car en effet, pour retranscrire de la meilleure des façons possibles ce mouvement, c'est par le biais d'une caméra, d'un appareil photo, mais aujourd'hui d'une caméra en tout cas sur ce qui se fait. Alors, on est sur un concept qui est quand même très très proche de celui du dessin animé. Alors, une scène, en général, constituée d'objets, Elle filme à l'aide d'une caméra capable de ne prendre qu'une seule image à la fois. C'est une photographie sur pellicule de film. Entre chaque image, les objets de la scène sont légèrement déplacés. Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble animée. Et donc, c'est ce qui donne un peu cette illusion, entre guillemets, de faire bouger ces objets immobiles. Alors, là, ce qui est ressorti aussi pas mal par rapport à des témoignages de personnes qui ont travaillé sur la stop motion, c'est que l'animation volume, c'est un mélange de patience, parce qu'il faut être très très patient sur ce type de production, et de doigté pour être le plus précis possible dans les gestes que l'on doit faire sur ces différents objets immobiles. Pour vous donner un ordre d'idée, alors c'est voilà, ça dépend forcément des productions, mais une journée de production sur un plateau vous permettra de faire peut-être une dizaine de secondes de film. Tout cela dépendant évidemment de la complexité de la scène. Parmi alors parce que la stop motion en fait regroupe énormément de techniques utilisées, notamment par rapport aux objets, puisqu'on On peut utiliser de la pâte à modeler, on peut utiliser des poupées de chiffon, des figurines, des marionnettes, du papier. Alors, Tonton, tu vas nous expliquer aussi la dernière technique utilisée, à savoir la pixilation. Alors, en quoi est-ce que cela consiste exactement? Bah, en fait, c'est très simple, c'est d'appliquer les techniques de l'image par image à une prise de vue réelle, en tout cas des acteurs réels et des décors réels. C'est-à-dire que un acteur, par exemple, va prendre une pose pour chaque image. Et on a vu beaucoup se développer cette technique. Depuis quelques années, notamment pour des clips musicaux, des courts-métrages, etc. Et voilà, c'est pas proprement parler de l'animation en volume, mais ça reprend cette technique de l'image par image, adaptée au réel. Et donc il y a un mélange entre la stop motion, disons, animation et de la prise de vue réelle. Et c'est de plus en plus utilisé. Très bien. Alors, les avantages et les inconvénients pour la production d'un film. Alors, les avantages d'abord, ça concerne les textures. Alors, tu as voulu dire quoi par les textures, Tonton? Clairement, les tissus, tout ce qui est vêtements et les cheveux aussi. Forcément, le rendu est pas du tout le même, puisque c'est le rendu réel. Oui. On voit tous les défauts, tous les reflets, enfin toutes les textures. Un tissu, par exemple, va pas du tout avoir le même rendu qu'un tissu fait en CGI ou en dessin ou n'importe, puisque c'est, enfin voilà, c'est un rendu réel. Donc pour moi, c'est vraiment un des gros avantages. Qu'on peut voir dans des films comme, je pense par exemple à Coraline, où ça utilise pas mal de poupées, on voit les boutons, des boutons, etc. Enfin, il y a un vrai travail sur la matière, en fait, sur beaucoup de films de stop motion, qu'on n'a pas sur l'animation 2D ou 3D, comme on peut le voir habituellement. Parmi les autres avantages, il y a également la possibilité de le faire avec à peu près tout. Comme on l'a vu tout à l'heure par rapport aux techniques utilisées, ça peut aller de la pâte à modeler, des poupées de chiffon, des marionnettes, il y a vraiment plein de possibilités pour faire de la stop motion. Ouais, et puis c'est très accessible. Par exemple, par exemple, chez moi, j'ai des action figures, des figurines articulées, je sais pas, de personnages de Dragon Ball, par exemple. Je peux très facilement maintenant, avec tout ce qui est appareil photo numérique, enfin tout le matériel de prise de vue qu'on a maintenant, où on a accès facilement. En une demi-journée, je peux déjà faire un truc sympa, très très facilement, avec mes figurines, ou même avec à peu près tout, en fait. Toute matière, tout objet peut être utilisé, qu'il soit articulé ou pas. Et je trouve que ça se développe énormément sur via YouTube, particulièrement dans des vidéos courtes, où on voit de plus en plus justement le stop motion utilisé dans ce sens-là. Peut-être un dernier avantage, après voilà, c'est davantage subjectif, c'est le fait que ça vieillit beaucoup mieux que les productions en images de synthèse, par exemple. Évidemment, on parle pas forcément des premiers films en stop motion, évidemment, mais des productions comme on a pu voir sur des Wallace et Gromit, sur des choses de ce type-là, qui restent encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, très jolies, avec leur univers à eux, évidemment, mais. Pour le coup, par rapport à des films en images de synthèse où on est sur une technologie qui évolue d'année en année avec des effets de plus en plus jolis, de plus en plus complexes aussi, et ben ça permet aussi d'apprécier encore aujourd'hui des films qui peuvent avoir 10 ou 20 ans. Alors, parmi les inconvénients, alors là du coup, c'est pareil, ce sont des inconvénients inhérents à la stop motion, puisque forcément, comme on est sur une image arrêtée, il faut que toutes les conditions dans cette image arrêtée soient les mêmes pour l'image d'après, pour qu'il y ait une vraie continuité, qu'on garde un cadre identique pour la scène. Alors, on pense notamment aux lumières. C'est vrai que Chronos, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, les lumières, ça peut évoluer, pardon, au niveau de l'intensité d'une ampoule. Cette intensité peut évoluer au cours de la vie de l'ampoule, on va dire. Elle n'est pas la même Oui, c'est à ça, l'instant ouais. T, à l'instant T plus 1. Bah ouais, comme tu l'avais expliqué justement, du coup, ils font vraiment image par image, et du coup, je pense que, enfin, je ne connais pas vraiment à fond, mais je suppose qu'ils ont un matos qui va avec, où la lumière reste toujours la même, où justement, il peut pas y avoir de lumière naturelle parce qu'elle évolue tellement souvent que du coup ça ruine l'effet image par image. Et du coup, dès qu'il y a des variations de lumière, de jeu de lumière, de différence de contraste, en fait, d'intensité de lumière, ça se sent vraiment justement dans l'animation, quoi. Donc ça, je pense qu'ils font vraiment attention à ça. Et c'est une des contraintes, hein, je pense, qui peut être vraiment pénible et qu'il faut être vraiment patient parce que, à mon avis, si le mec il fait, je sais pas, 12 images avec une lumière et 12 images avec une autre avant de se rendre compte que c'est foiré, bah, il doit tout refaire. Donc je pense qu'il faut vraiment être patient, quoi. Oui, il y a aussi par rapport au liquide, faire attention, une vague, on va dire une vague en 3D, en image de synthèse, tu aurais vraiment une vraie continuité, alors que c'est un effet comme ça en stop motion, c'est extrêmement compliqué à retranscrire pour que ce soit crédible au niveau de l'effet affiché. Ne serait-ce qu'un verre à boire, Ouais. c'est extrêmement dur dans un récipient aussi petit, représenter tous les mouvements, etc. C'est quelque chose de vraiment, vraiment difficile. Et c'est pareil pour le sable, pour tout ce qui est écoulement au final, en fait. C'est vraiment, et c'est pour ça que de plus en plus, que ce soit pour les lumières ou pour les liquides, on fait appel au numérique pour compléter l'image, en fait, pour ajouter tous ces effets qui sont vraiment extrêmement difficiles à représenter en stop motion. Alors toi, tu as eu l'occasion de... Parce que toi, Chrono, tu travailles dans l'animation. Et donc, on l'évoquait en préparant l'émission, tu as, par rapport à ton cursus scolaire, tu as eu l'occasion universitaire même, tu as eu l'occasion de travailler cette technique. Oui, j'avais fait juste un petit court-métrage. C'était pas très très long parce que c'est assez long à mettre en place. Enfin, ça durait, je sais pas, peut-être une dizaine de secondes, mais une petite animation en stop motion avec de la pâte à modeler. C'est vrai que c'est pas évident, comme j'ai expliqué avant avec les lumières, par exemple. Ça, comme on faisait un peu à l'arrache, on testait, on expérimentait, donc c'était vraiment compliqué. C'est vrai que ça demande pas mal de patience, justement, de faire ça image par image, de faire en sorte que la caméra ne bouge pas. Que tout soit bien calé, parce que du coup, même si ça bouge un petit peu, ça marche quand même. En fait, c'est ça qui est bien avec la stop motion, c'est que comme on le voit justement, comme tu disais, Toon sur YouTube ou autre, dans les réalisations un peu de fans, en fait, ça marche quand même. En fait, on peut vraiment le faire chez soi assez facilement, et c'est ça qui est bien avec cette technique, en fait. Donc c'est vraiment un gros avantage. Et même par rapport à la pâte à modeler, il faut faire super attention parce que c'est quand même une matière extrêmement malléable. Ah oui, bah on voit les traces de doigts assez facilement et tout. C'est vrai que maintenant, je crois que les derniers films comme Paranorman, c'est une sorte de résine qui est assez simple à manipuler, en fait, avec une armature en métal. Donc ça permet vraiment de faire comme des poupées, en fait, de faire une animation assez facilement. Oui, je repense à ça, alors je sors un peu du sujet, mais il me semble qu'il y avait un jeu vidéo sur 64, un jeu de combat, en pâte à modeler, Oui, Clay. c'était Clay. Clay Ah, je Fighter. retrouve plus. Clay Fighter, Clay. yes. C'était ça, ouais, tout à fait. Où c'était Clay qui est un. pâte à modeler, en fait. Ouais, c'est ça. Donc un jeu, on va dire, en stop motion Et sur. c'est. Alors, c'est Clay pareil. Fighter, ouais, c'est ça. Tant qu'on parle de jeux vidéo, on peut parler très rapidement de Paper Mario et de Tear Away qui est sorti il y a quelques mois et qui sont basés sur un rendu papier en fait et Tear Away est vraiment justement Media Molecule, donc le développeur a travaillé pour ne pas faire que l'animation du personnage soit totalement fluide mais qu'il y ait un rendu un petit peu stop motion avec un petit décalage ou enfin une Ouais, ils que ont ça soit retiré, marqué en ouais. fait, voilà. C'est comme s'ils avaient retiré une image, en fait, genre, il y a peut-être 24 images pour faire une seconde d'animation, ils en ont peut-être mis C'est une ça. dizaine, en fait, pour faire cet effet-là, ça marche super bien. Et ça, ouais, ça rend vachement bien et puis bon, la direction artistique du jeu est magnifique et il y a vraiment cette impression stop motion avec tout ce travail sur le papier, c'est incroyable. Ouais. Alors, on va arriver, j'irai directement dans le vif du sujet. On va quand même vous parler. On va pas vous faire l'histoire du stop motion parce qu'elle est assez longue et assez complexe. On peut juste peut-être vous dire que le premier film considéré comme étant en stop motion s'appelle Les Allumettes Animées. Alors, d'un dénommé Émile Courtet, connu également sous le nom d'Émile Cole, et que le film Cocorico. date de 1908. Alors, j'ai pas réussi à le voir, j'ai essayé de le trouver, mais j'ai pas réussi à voir ce que ça donnait. Je sais pas si Non. vous avez pas été curieux, donc. Bravo. Plus récemment et plus sérieusement, en fait, l'animation en volume a aussi connu son heure de gloire au moment de faire les effets spéciaux pour les films, parce qu'à l'époque, notamment dans les années 50, 60, Même avant. il n'y avait pas l'ordinateur prenait la place d'une salle voire d'un immeuble, d'un étage, je veux dire. Et donc, on ne pensait pas encore à l'utilisation de l'ordinateur. C'était impossible d'ailleurs à l'époque de s'en servir pour faire des effets spéciaux. Donc, il fallait trouver, voilà, à une époque où, voilà, notamment à cette époque-là où on était fan, où la science-fiction arrivait aussi en haut de l'affiche. Il y avait aussi le besoin de retranscrire le plus possible et le mieux possible des extraterrestres, des vaisseaux, voire des animaux comme King Kong, puisque notamment la version de Willis O'Brien qui utilisait donc le stop motion, donc l'animation en volume, pour faire de King Kong un singe géant tel qu'on le connaît. Alors, on va parler forcément de Ray Harryhausen, qui a su donner ses lettres de noblesse au stop motion justement avant l'arrivée des effets numériques. Alors, je pense que même si vous n'avez pas vu les films, vous avez forcément déjà vu ces effets, ces séquences-là. Je pense notamment à des films comme Le Septième Voyage de Sinbad, alors pour lequel en fait il va animer un cyclope géant que doivent affronter les héros. On retiendra également Jason et les Argonautes qui datent de 63, avec la fameuse séquence qui oppose des humains à une armée de squelettes. Ça doit forcément vous parler, je veux dire. Et il a su. Alors. Oui, Chronos? Oui, non, je disais oui, continue. Très bien. Je Pardon. confirme. Ce qui est bien en plus, c'est que Harryhausen, en plus, il est arrivé à un moment où. Même si voilà, Willis O'Brien avec King Kong avait quand même créé une technique, en tout cas il avait utilisé la technique du stop motion, lui est arrivé en plus un peu en autodidacte. Il s'est pris de passion Ray Harryhausen pour la stop motion, pour ces effets-là. Et donc il a appris de lui-même et puis il a aussi amélioré de lui-même pour apporter voilà de très belles séquences au cinéma. Alors, il a même créé des procédés, puisqu'il a créé ce qu'on appelle la dynamation, ou dynamation en anglais, permettant de mélanger animation et prise de vue réelle pour un meilleur rendu. Pour le coup, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionnait, donc les séquences live sont rétroprojetées sur un écran translucide, tandis qu'au premier plan, les personnages fictifs sont animés. Ça permettait de, voilà, de mettre un peu plus de lien entre les êtres humains et les personnages animés par ce biais-là. Alors son dernier film sur lequel Harryhausen a travaillé, c'est un film qui date de 80 qui s'appelle Le Choc des Titans. Donc rien à voir, en tout cas c'est le film, on va dire, qui a été remaké il y a quelques années qui a fait l'objet d'un très mauvais remake à l'époque où la 3D refaisait son arrivée dans les salles de cinéma. Et Harryhausen, en fait, est décédé tout récemment, puisqu'il est décédé le 7 mai 2013 à l'âge de 92 ans. Faut savoir qu'il a quand même, inspiré de nombreux réalisateurs qui parlent de lui, voilà, comme d'un des maîtres dans son univers, savoir des Steven Spielberg, des James Cameron, Peter Jackson. Peter Jackson également, tout à fait, qui ont été marqués par son travail. Et Harryhausen est aussi présent dans un des meilleurs films d'animation qui existent, évidemment, qui s'appelle Monstres et Compagnie, puisque c'est Harryhausen et le nom donné au restaurant, le restaurant à la mode à Monstropolis, qui fait l'objet du fait de la présence d'un humain, d'une destruction soudaine, on va dire. Donc voilà, ça montre aussi la place qu'avait ce personnage. D'ailleurs, là, on parle en plus d'un film en images de synthèse. Mais voilà, il a quand même révolutionné son art. Et même si derrière, les images de synthèse ont pris le pas pour faire des effets spéciaux crédibles, il a quand même su marquer le septième art de son empreinte. Et Alors là, on était plutôt. d'ailleurs, Oui? j'en profite pour en parler très rapidement, parce que là, enfin, tu l'as évoqué un petit peu sa carrière, mais il y a le très très bon podcast Split Screen Tout à fait. qui a réalisé un épisode complet sur cet homme et qui est vraiment à écouter pour si vous êtes un peu curieux pour vraiment découvrir tout ce qu'il a fait. Et à quel point cet homme a marqué l'industrie du cinéma. Vraiment, Split Screen, le podcast, a fait enfin, ils ont fait un super podcast dessus, donc vraiment, allez l'écouter. Et tous leurs podcasts d'ailleurs sont de grande pour le coup. Oui. On vous conseille vraiment de les écouter si vous ne les connaissez pas. Alors, on va vous parler maintenant des représentants aujourd'hui de la stop motion. Alors, on va forcément parler du studio Hardman. D'ailleurs, on va commencer par le studio Hardman, qui est bien connu notamment pour la série et pour les personnages de Wallace et Gromit. Et on va revenir après, on évoquera évidemment les films. Ce qui est marrant dans l'histoire du studio Hardman, c'est que son histoire justement commence quand deux amis d'école, dont Peter Lord, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et David Sproxton, réalisent un court-métrage d'animation qui met en scène un super-héros, en fait, qui porte le nom d'Hardman. Et en fait, c'est le film qu'ils ont créé a été racheté par la BBC, et donc ils décident de fonder, avec les moyens qu'on leur a donnés, leur propre studio d'animation, ordonnant le nom de leur super-héros, ce qui donnera donc le fameux studio Hardman. On connaît Peter Lord, mais Peter Lord fonctionne aussi beaucoup avec Nick Park. Et Nick Park, en fait, arrivera au sein du studio Hardman sur la production d'une série qui s'appelle Lip Sync en 85, qui a été diffusée principalement en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et forcément, voilà, le studio est connu pour son duo Wallace et Gromit, Wallace l'inventeur tête en l'air, secondé par son chien, qui est un véritable Dr. Watson de son maître. Alors, on retiendra aussi Chicken Run, un remake façon gallinacé de la Grande Évasion, qui prouvera à juste titre que les poules savent voler et qu'elles ont des dents, ce qui est assez fort quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on évoquait au début le temps de production d'un film de ce niveau-là, donc le tournage a duré 20 mois, avec des délais pouvant aller jusqu'à 100 secondes par semaine, ce qui est quand même énorme. Surtout quand on voit certaines scènes qui sont extrêmement complexes, et le film dure 1h24 pour 2200 plans. Donc ça montre un peu le côté énorme de la production. Alors, on va évoquer rapidement la filmographie. On a fait une filmographie sélective évidemment du studio. Forcément, alors on peut parler déjà des trois moyens métrages de Wallace et Gromit, à savoir une grande excursion. Alors c'est quand ils partent sur la Lune avec des crackers pour aller manger du fromage, ce qui est tout à fait normal. Alors je vous laisse aussi la parole, je vais pas la garder, mais Un mauvais pantalon qui est juste pour moi un des plus drôles et un des meilleurs Wallace et Gromit. Qu'est-ce que vous en retenez de ce film-là? Bah ouais, c'est vraiment pas une révolution, mais c'est vraiment celui qui les courts-métrages qui ont un peu comment dire popularisé le style en fait, parce que finalement avant c'était limité à des films à des effets spéciaux et choses comme ça. Et c'est vrai que Wallace et Gromit c'est devenu vraiment populaire grâce à ces courts-métrages, et c'est vrai que bah, Le mauvais pantalon, surtout avec le pingouin et son compagnon mécanique là, C'est terrible. et la poursuite en train qu'on citait tout à l'heure Ah avant le ouais. podcast, enfin, c'est vraiment des grands moments quoi. Mais c'est là qu'on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait, quoi? Parce que le train, tu t'as vraiment cette impression de vitesse en arrière-plan qui est impressionnante, quoi. Et puis ils se permettent en fait c'est ça qui est bien, c'est que ils ont déjà compris la technique et ils se permettent des choses vraiment qui marchent super bien quoi. Enfin, le fait que je sais plus, à un moment donné, t'as une scène où il y a plus de rails sur le chemin, et du coup il prend les rails et puis il les remet au fur et à mesure devant lui Oui, pour ah que le train oui, continue et exact. tout. Et Exact. il y a plein de trucs que je me dis comment ça aurait marché justement dans d'autres méthodes que la stop motion en fait. Ouais, c'est Avant, vrai. parce que là la 3D n'était pas encore arrivée, donc enfin, elle n'était pas encore aussi populaire que maintenant, et là ça marchait déjà super bien quoi. Et puis sur cette scène, tu vois que c'est quand même ultra dynamique, hein. T'as ce Ouais. côté un peu comme voilà, un bip et vite coyote, ça va à toute vitesse, et ben tu retrouves un peu cette vitesse-là d'exécution sur le film. Ouais, c'est ça. Qui est super bien rendu. C'est assez balèze. Et puis voilà, et puis la tête du pingouin, quoi, il est juste énorme, quoi. Ouais. Espèce de tueur à gages, pingouin. Il y a un pingouin en Angleterre qui va voler qui veut tout faire pour voler un bijou. Si je dis pas de bêtises, et c'est. Voilà, rien que sa tête fait rire, quoi, parce qu'il n'a pas du tout la tête de l'emploi, alors qu'il est super sérieux, qui parle pas en plus. Donc voilà, bah, tu t'en souviens, Toon-toon? Bah, oui, tout à fait, mais je pense que c'est vraiment un cours qui a marqué toute une génération. Je m'en souviens parfaitement, et c'est vraiment, ouais, ça a marqué, et ça marque encore, puisque c'est encore diffusé régulièrement. On voit toujours des Wallace et Gromit qui passent pendant les fêtes ou les vacances, donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui est devenu culte, en fait. Ah, complètement, ouais, tout à fait. Même celui, donc Un mauvais pantalon date de 93, Rasé de près aussi date de 95, et c'est un peu peut-être certainement le film précurseur de Shaun le mouton, Ouais. puisque on retrouve, alors c'est pareil, comment dire, le chara-design des Wallace et Gromit avec ses yeux globuleux font que les animaux, en tout cas les moutons, ont vraiment un air bêta. Sur ce film, quoi, c'est très drôle, en fait, de voir leur réaction sur cette histoire-là de trafic de moutons, de laine de moutons. Et franchement, c'est vraiment à chaque fois. Ce qui est réussi, c'est qu'on rigole à chaque fois, quoi. Il y a, voilà, je sais pas si vous avez des scènes qui vous ont marqué sur ce film-là. Bah ouais, la scène avec les rails là justement qui est assez folle, même la scène du cambriolage justement où Ouais, il sur les murs et télécommande, tout. ouais, super super bien foutu C'est clair. quoi. Bah là, non, mais là, pour le coup, ça me donne envie de le revoir, quoi, de les revoir, de revoir le. Ils ont fait un autre il y a pas longtemps qui date de 2000 2010 ou 2008, je sais plus, une boulangerie justement qui s'appelait Sacré Pétrin, qui est Ouais, assez c'est récent. 2008, je crois. 2008, ouais. Et qui est assez réussi aussi, qui est peut-être pas aussi, comment dire, aussi génial que les autres, mais il fait vraiment son boulot et il est plutôt bien foutu. Alors certainement un des films qui aura marqué aussi le studio, c'est en 2000, c'est Chicken Run, qui va encore plus loin dans l'animation des personnages, puisqu'on bah, des poules, parce que on parle de poules, Puisque alors les poules, on va faire voler des poules et on va leur donner des dents. Cette logique imparable qui est juste magnifique. Il y a plein de scènes qui sont énormes. Ne serait-ce que voilà, la scène de l'évasion avec l'espèce d'avion créé de briques et de brocs, quoi, qui est, voilà, je sais pas comment, franchement, je suis toujours étonné de voir comment ça fonctionne au niveau d'animation, le temps qu'il passe aussi à faire ce genre de scène, quoi, c'est juste énorme. Et puis c'est, voilà, et puis c'est drôle, quoi. Je sais pas, vous, Chicken Run, ce que vous avez Si, gardé si, comme pour moi c'est culte, hein, c'est vraiment. Enfin, la musique, déjà, elle est juste monumentale, et puis l'humour à l'anglaise, toute la séquence générique, là, justement, où on voit toutes les tentatives d'évasion de l'héroïne. Enfin, non, le film est vraiment excellent, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, puis c'est vrai qu'il y a ce côté, comme tu dis, humour à l'anglaise qui est très présent et qui fait du bien aussi, parce qu'on ne le voit pas si souvent dans les films d'animation. Ouais, Donc, c'est sûr. ouais, c'est plutôt cool pour ça Et aussi. une des séquences en fait les plus difficiles qu'ils aient eu à faire dans ce film en fait c'est quand il y a une réunion en fait entre toutes les poules et les poules parlent ont toute une réaction en fait font tout quelque chose donc il faut imaginer un peu à chaque fois les faire changer d'expression après les faire parler c'est juste c'est affolant quoi de se dire ça voilà c'est pareil c'est des séquences qui durent extrêmement longtemps à être faites et après le résultat est aussi au niveau de ce qu'on peut attendre d'une production du studio Hardman. Et pour la petite histoire juste donc je sais pas si tu te souviens toi Chronos et Toontoon aussi de Chicken Run de Babette hein, cette poule un Oui, peu qui est un peu bête voilà, un peu La bête, qui est bébête voilà du coup. exactement. Et ben en fait sa voix française c'est la voix qui donc la comédienne avait donné sa voix au premier film de Disney c'est-à-dire qu'elle avait donné sa voix à Blanche-Neige. Ah ouais, tiens. Et c'est marrant de la retrouver, on va déjà de la retrouver encore aujourd'hui, puisque à l'époque de Blanche-Neige, en fait, elle devait faire que la chanson, que les paroles, que les moments où Blanche-Neige chantait. Sauf qu'ils avaient du mal à trouver une actrice, et donc elle s'est proposée elle-même pour faire la voix aussi de Blanche-Neige en dehors des chansons. Et donc c'est ce qui a aussi lancé sa carrière. C'est aussi pour ça qu'on la voit aujourd'hui, pas pour les mêmes raisons évidemment, mais qui s'est trouvée en fait présente dans le casting de Chicken Run. Alors premier film, c'est marrant parce que le premier film d'animation de Wallace et Gromit, Le Mystère du Lapin-Garou. Là c'est pareil, pardon, je parlais tout à l'heure des animaux, des moutons qui paraissent bêtes avec leurs yeux tout ronds là, mais c'est un peu le même principe avec les lapins, qui ont pas l'air très fut-fut dans le film. Alors, c'était aussi un pari hein, quand même de passer sur un film d'animation alors qu'ils faisaient que des moyens métrages. C'est pas, c'est bah, ils ont l'expérience de Chicken Run, mais sur Wallace et Gromit, c'est une première. Est-ce que vous vous souvenez du film? Est-ce que vous avez des souvenirs vis-à-vis de ce film-là ou pas? Chronos, hein? Je l'ai vu il y a un petit moment déjà, parce que je sais plus, il date De 2005. 2005. 2005, ouais. Et j'ai pas trop de souvenirs en fait. Je sais que j'avais bien aimé sur le moment, mais c'est vrai qu'il m'a moins marqué que les courts-métrages. Je pense qu'il est très très bien, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai du mal à m'en souvenir en fait. Alors, pour le coup, c'est un des films sur lequel c'est la première fois, en tout cas, qu'ils se sont servis Numérique. d'effets numériques, tout à Ouais. fait. Sauf, alors, ce qu'ils disaient, notamment dans une des interviews qu'ils ont données, et après coup, ils se sont dit qu'ils auraient peut-être dû faire. Parce que le Lapin-Garou, en fait, il a un peu à la manière de Jack Sullivan dans Monstres et Compagnie, c'est qu'il a une fourrure à faire bouger. Une fourrure qui bouge quoi voilà qui par rapport au vent par rapport à plein d'éléments et du coup c'était aussi c'était assez compliqué Ouais, surtout en stop motion, quoi. surtout en stop motion tout à fait et donc c'était voilà un des points compliqués au niveau de la production du film et donc voilà, ça tournait autour d'un concours du plus gros légume et forcément les légumes ont été piqués dans un monde par qui. C'est le titre du film spoil un peu. Décidément. Ça n'arrête pas. Ça, c'est... Faut qu'on leur dise au marketing d'arrêter, les gars. Alors, 2006, on va passer un an après. C'est la première expérience, et je crois même la seule, hein, si je ne dis pas de bêtises, du studio Hardman sur un film en image de synthèse, qui est pas le plus réussi, hein, même si graphiquement il reprenait le chara-design de production Hardman, il manquait quelque chose par rapport à ce qu'ils auraient pu faire avant, par rapport à si le film avait été fait en stop motion, il manque quelque chose, un grain au niveau de l'image, et puis voilà. C'est vraiment ce qu'il a fait celui-là, il me semble. Enfin, ils se sont associés avec Hardman justement pour réaliser ce Pour le film. faire, ouais. Mais Ouais. voilà, parce que Hardman a appartenu, alors je sais pas s'il appartient toujours, mais il a appartenu à DreamWorks, ce Ouais, je qui est suis pas très sûr bon. parce que le pirate qu'ils ont fait après, justement, ils se sont associés avec Sony Pictures. Voilà, d'accord. Donc ouais, ça a changé entre-temps. Mais je suis pas sûr, hein. Je pense que j'ai pas non plus beaucoup de souvenirs vis-à-vis de ce film, mais ça c'est pas non plus un des meilleurs films qu'ils aient fait en collaboration avec DreamWorks, mais c'était pas le plus beau qu'ils aient pu faire sur leur filmographie. Bah, je dois avouer que ouais, je l'ai pas vu personnellement, mais j'ai pas eu de bons retours plus que ça, donc Tu en as des souvenirs, Toon Moi, je l'ai pas vu. Toon? Comme ça, c'est réglé. Non, mais enfin, niveau design et tout, il m'a jamais. Ça m'a pas emballé plus Ouais. que ça de tout ce que j'ai pu voir des images et tout. C'est pas quelque chose qui me faisait spécialement envie en fait. Je vais te laisser, par contre, du coup, évoquer 2012 et notamment Pirates, Bon à rien, mauvais en tout, pour lequel tu as gardé un bon souvenir. Hein. Ouais, bah j'en parle dans le bilan de 2012, donc Écoutez-le. vous pouvez aller l'écouter. Écoutez-le Non, exactement. mais ouais, bah c'était, enfin, je me souviens qu'il a été plutôt pas mal critiqué quand il est sorti, parce qu'il avait un rythme assez, enfin il avait quelques longueurs quoi. Ouais, j'avoue que c'est ce qui m'a un peu fait tiquer sur le film. Mais moi je l'avais, enfin j'avais trouvé plutôt bon parce que l'univers était vraiment sympa. L'histoire était sympa aussi. Le personnage du capitaine un peu loser était vraiment vraiment drôle et il y avait des bons dialogues, etc. Et puis l'animation, enfin ça fonctionnait bien au niveau animation, je trouvais. Voilà, bah, il y a le savoir-faire d'Hardman, donc au bout de 20 ans, ils savent faire quoi. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment vraiment sympa dans l'univers, l'histoire et tout ça. Et on en a un petit peu parlé aussi avant. On a parlé de beaucoup de choses avant en fait. En fait, c'est notamment pour l'eau. C'est ce que tu disais, Chronos. Ils ont eu recours au numérique pour faire l'eau, puisque c'est quand même un élément. On en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez difficile à faire en stop motion. Et là, représenter tout un océan, c'est pas évident. Ouais, j'ai du mal à voir comment ils auraient fait ça, même je pense pas qu'ils auraient réussi. Après, il n'y a pas énormément de phases sur l'eau non plus. Non, c'est sûr. Ça se passe beaucoup, notamment à Londres, et une partie dans les airs aussi, d'ailleurs. Mais non, le film était plutôt bon. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre absolu ou quoi que ce soit, mais c'est un bon film qui se regarde bien, et notamment pour les enfants, je pense. Donc voilà. Le film que tu conseilles encore aujourd'hui, allez voir. Hein. Ouais, en vidéo comme ça peut être vraiment un bon film. Ça peut être sympa. Ouais. Bah, en tout cas, on a vu que le studio a quand même aujourd'hui encore une belle expérience au niveau de ses productions. Ouais, et puis on n'a pas parlé, mais il y a Shaun le Mouton aussi, Oui. dont t'as dit qu'il avait fait sa première apparition dans Razed Prey en 95, et en 2007, si je dis pas de bêtises, ils ont commencé à produire une série d'animation, enfin une série de la même façon que les Wallace et Gromit, donc pâte à modeler et tout ça, en stop motion. Et c'est plutôt très sympa aussi. Ça a été diffusé sur TFou, sur TF1 Et sur et 3DS, sur 3DS. eh oui. Ils ont Oui, c'est eu un exact. partenariat avec Nintendo pour la fameuse chaîne vidéo 3D extraordinaire. où on voyait quelques épisodes, je crois il y en a une quinzaine de diffusés Ah, sur la quand même. centaine qui existe en tout. Il y avait aussi eu Kirby. Oui, il y a eu pas mal Bien de sûr. choses comme ça, mais c'est vrai que Shaun le Mouton en 3D, bah, ça rendait bien parce que forcément, bah, c'est de la 3D, quoi, donc ça rend vraiment pas mal. Voir la pâte à modeler comme ça ressortir de l'écran, c'est agréable. Tout à fait, c'était bien bien foutu. D'ailleurs, je crois qu'on en parlera un peu plus tard, parce que dans les productions à arriver, il y a un film prévu autour de Shaun le Mouton. Donc voilà, on va parler maintenant alors d'un studio dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, bah, qui arrivait beaucoup plus tardivement que le studio allemand en comparaison, c'est le studio Laika. Alors c'est un studio américain. Alors je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis en tête que c'était un studio d'Europe, un studio européen. Je sais pas Ouais, pour pourquoi. moi, c'était un truc suédois ou Ouais, voilà. un truc dans le genre. Je sais pas pourquoi. Le Laika, peut-être. Enfin bref. Alors, tout commence en fait en 2002 quand Phil Knight, donc le fondateur de Laika, rachète un studio d'animation qui s'appelle Winton Studio. Et bah, le fait le plus important, le plus intéressant, c'est qu'un an plus tard, le fameux Henry Selick, dont on parlera un peu plus tard, notamment réalisateur de L'étrange Noël de Mr. Jack, donc rejoint le studio en tant que supervising director. Si le studio réalise principalement, alors il va principalement travailler sur des spots de publicité. Et il décide aussi de se lancer dans la réalisation, pardon, de son premier long métrage en stop motion, à savoir Coraline, sorti en 2009. Basé sur le roman jeunesse de Neil Gaiman, il est un véritable succès parce que, alors j'ai trouvé pour 60 millions de dollars de budget, il en récolte plus du double avec 124 millions de dollars. Ce que je trouve assez énorme, mais ça ne m'étonne pas. Et 3 ans plus tard, le studio remet le couvert avec Paranorman, qui avait été rebaptisé chez nous, L'étrange pouvoir de Norman, comme si, pauvres Français que nous sommes, nous n'aurions pas pu comprendre Paranorman. Enfin bref, pour un succès un peu moins important, puisque pour un même budget de départ de 60 millions de dollars, ils ont récolté un peu plus de 100 millions de dollars de recettes, ce qui est quand même un très très bon score, et qui est totalement légitime par rapport à la qualité du film. Alors, ma filmographie sélective, on va aller assez vite, puisque 2009, Coraline, j'espère que vous les avez vus, que tous les deux vous l'avez vu. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Tu l'avais jamais vu avant? Non. Ah, là, tu m'intéresses du coup, parce que qu'est-ce que tu en as pensé? Tu avais lu le bouquin ou pas? Non, j'étais vierge de tout. Et J'ai découvert la vie en regardant Coraline. c'est ça. Non, je l'ai trouvé très sympa. Quelques petites longueurs. Mais l'histoire est vraiment pas mal. Et les scènes, notamment de quand elle dort, on va dire ça comme ça. Notamment le jardin, par exemple, sont vraiment très jolis et il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce film. Ah, on retrouve la patte sur Coraline, notamment de L'étrange Noël de Mr. Jack. Hein. Quand tu vois les Bah ouais, personnages. clairement, il y a la filiation et en fait, je trouve qu'il fait au niveau design, notamment des têtes, etc., enfin de plein de choses, je trouve qu'il fait parfaitement la transition entre L'étrange Noël de Mr. Jack et Paranorman. Ouais, notamment par rapport au personnage masculin de Ouais. Coraline, hein, qui se rapproche du personnage, bah, c'est un personnage secondaire, mais qui se rapproche du personnage principal de Paranorman. Ouais. Ouais, il y a de ça. Et ouais, je trouve il fait bien la transition entre les deux. Donc forcément, d'un côté, il y a Henry Selick et pour L'étrange Noël de Mr. Jack et Coraline. Et puis t'as Laika aussi sur Coraline et sur Paranorman, donc ouais, il y a cette affiliation qui est assez visible. Et donc Paranorman, sorti en 2012, très très joli, très très joli film. Tu l'avais vu également, toi, Chronos. Ouais, j'ai vu les deux, ouais. Et qu'est-ce que, pareil, t'es un peu Ah ouais, son goût? c'est... Ouais, Paranorman et Coraline, c'est deux excellents films. Paranorman, on en avait déjà parlé l'année dernière, je crois. Et De 2012, c'est... ouais, Ouais. dans le milieu 2012. Et non, c'est très bien, les deux sont très très bien, et puis enfin, surtout le Paranorman, en fait, je crois que j'ai préféré Paranorman à Coraline, Ouais, moi aussi. plus pour le côté culture populaire, le côté fun aussi, qui sortait du film, et puis la fin qui est vraiment superbe. Ah oui, complètement. Et non, franchement, il a vraiment son style et ça fait partie des gros studios à suivre qui, pourtant, n'arrivent pas vraiment à trouver de succès populaire. En fait, je sais pas s'ils marchent vraiment bien justement dans le monde. Je crois qu'ils font un succès honorable, mais pas autant que du Disney ou du Pixar. Enfin, pas encore, peut-être. C'est pas pareil, ouais. Et puis je pense que beaucoup de gens s'arrêtent peut-être aussi au style désuet qui, bah, style désuet c'est vite dit, mais que peut donner l'impression du stop motion et de l'animation en volume. Alors que pas du tout, je pense qu'il y a peut-être aussi on a peut-être l'impression que c'est plus figé. Alors que c'est très très dynamique, ça peut être très très dynamique, très très bien pensé. Ce qui est bien aussi dans Paranorman, c'est qu'ils vont sur des sur un style, un univers qui est assez comment dire fantastique dans ce côté-là. Avec voilà, bon, il y a toujours des grosses ficelles du style qui font que c'est parfois drôle aussi, hein, mais c'est assez rare Ouais, c'est de un peu du teen movie d'épouvante Exactement. qui reprend les clichés, enfin les ficelles du C'est avec genre. la fille amoureuse du beau garçon, alors que le beau garçon il s'en fout qu'il est gay, donc voilà. Ça c'est marrant. Tu Oui, spoil. encore. Encore. C'est une manie chez moi, ça c'est fou. C'est dingue. C'est impressionnant, quoi. Ouais, pour en revenir sur Paranorman. Je trouve qu'ils ont fait vraiment, et d'ailleurs sur le making-of, on peut le voir un petit peu, ils ont fait un travail exceptionnel sur les expressions des visages. Ils sont vraiment super expressifs et de se dire derrière le travail qu'il y a eu, parce que chaque tête forcément a été sculptée à chaque fois. Et le nombre de visages qu'ont dû être fabriqués pour ce film doit être assez monstrueux. C'est clair, c'est clair. Quelle est du coup leur prochain projet, c'est The Box Troll, qui a l'air d'être très très bien. Ouais, Ouais, très très très bien. d'ailleurs, je vous conseille de suivre le compte Twitter at TheBoxTroll. Qui est régulièrement, il poste des photos et des vidéos du tournage. Et c'est vraiment très très impressionnant les décors, les marionnettes. Enfin, c'est pas vraiment des marionnettes qu'ils ont, c'est un mélange marionnettes, poupées, un petit peu figurines. Mais les voir, en plus, enfin, moi j'avais un peu cette image du stop motion avec des figurines, des marionnettes assez petites. Et en fait, là, on se rend compte en voyant les images que finalement, c'est quand même bon des trucs qui font bien 50 cm de haut, quoi. C'est assez impressionnant. Et c'est marrant de voir les coulisses justement d'un film sur lequel il travaille depuis un moment déjà. Et qui s'annonce vraiment excellent. Donc on attend pour cette année chez nous, notamment dans les salles de cinéma. On en parlera aussi un peu plus tard quand on fera le bilan un peu de ce qui nous attend pour la suite des événements. Alors on en a parlé tout à l'heure au sein du studio Laika. On a retrouvé notamment Henri Selick. Alors Henri Selick, il a un parcours, on va dire, assez traditionnel dans l'animation, puisque lui a commencé, il a fait ses premiers pas dans l'animation du côté de chez Disney. Alors, il a travaillé notamment en tant qu'animateur pour Rox et Rocky, donc qui était réalisé, alors, si je dis pas de bêtises, par Glenn Keane. Il se retrouve freelance après cela et devient même réalisateur donc sur L'étrange Noël de Mr. Jack. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que L'étrange Noël de Mr. Jack est réalisé par Tim Burton. En fait, Tim Burton produit le film et c'est Henry Selick donc qui le réalise, pardon. C'est pour ça qu'on retrouve un peu ce parallèle avec Coraline qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Qui est assez proche au niveau du style affiché. Alors, le succès commercial n'est pas au rendez-vous, mais en fait, il y a un tel succès critique autour du film qu'il devient un film culte. Et Henri Selick enchaîne en fait en 96, 3 ans plus tard, avec James et la Paix Géante, qui mélange jeu d'acteur et stop motion. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous avouerai que j'ai jamais vu James et la Paix Géante. Pareil. Pareil, On va très bien comme malheureusement. ça, c'est fait. Mais ouais, si, il faut aller le voir du coup. Moi, j'avais juste l'anecdote d'un copain qui était allé au cinéma, il voulait aller voir un film. Et donc il voit la bande-annonce de James et la paix géante, et puis en fait il se rend compte au bout d'un quart d'heure que c'est le film. Ça c'est drôle. Ça date de ouais, 87, donc ça fait quasiment 10, ça fait 18 ans. Vieux quoi. Voilà, exactement. On avait ouais, 10 ans à l'époque, j'avais 10 ans à l'époque. Aïe. Alors Henry Selick, alors ça c'est l'histoire intéressante que j'ai appris en préparant le podcast. C'est qu'en fait, il a travaillé sur les séquences en stop motion pour le film La vie aquatique de Wes Anderson, où en fait, donc il y a notamment des animaux marins qui sont animés par le biais de la stop motion, du stop motion par Henry Selick. Et ce qui est marrant, c'est que Wes Anderson, en fait, quand il a parlé de son projet, déjà de la vie aquatique et de ce projet-là de faire de la stop motion pour le film. Donc le film était encore au tout début de sa production. Et à l'époque, en fait, il pensait déjà à adapter en fait au cinéma et au format stop motion un livre jeunesse qui s'appelle Fantastique Maître Renard, qu'il réalisera après, parce que c'est ce qui donnera le fameux Fantastique Mr. Fox. Mais ceci est une autre histoire. Alors il travaillera Henry Selick par la suite en tant que réalisateur, donc comme on l'a vu ensemble de Coraline. Chose assez étonnante, c'est qu'en fait, on va le retrouver du côté de chez Disney Pixar, pardon, autour d'un projet alors en stop motion qui s'appelle Shademaker. Alors il s'agirait, parce qu'on n'a pas non plus énormément d'informations par rapport à cela, d'un film horrifique destiné aux enfants. Alors le projet est toujours en cours, mais il a connu quelques tracas au niveau de sa production. Et il est maintenant passé aux mains d'une maison de production allemande qui s'appelle K5 International. Donc on ne sait pas trop au jour d'aujourd'hui où est-ce qu'il en est rendu exactement. Donc Selick s'occupe en ce moment de la réalisation d'un film, alors cette fois-ci avec de vrais acteurs, autour de l'adaptation du roman Tell Dark and Grim d'Adam Gidwitz. Donc on n'a pas forcément plus d'informations là encore sur le film, même s'il devrait sortir, je crois que c'est prévu pour 2014 ou 2015. Donc c'est marrant de voir de la part d'un réalisateur de passer déjà de différents styles d'animation, parce qu'il a commencé sur de l'animation 2D, après passer sur l'animation en volume, et puis après passer sur de la direction d'acteur d'acteur en chair et en os. Mais il avait déjà eu l'occasion de le faire, bah, notamment sur le film James et la pêche géante. Alors, la filmographie, on en a parlé, hein, j'en ai parlé au cours de ce petit portrait. Donc, il y a 93, L'étrange de Mr. Jack, 3 ans après, James et la paix géante, et donc 2009, Coraline. Donc, il y a quand même, on l'évoquait tout à l'heure, il y a quand même un lien assez fort entre L'étrange de Mr. Jack et Coraline, hein, au niveau de l'univers, Il y a assez. ce côté un peu gothique, Ouais, tout à fait. même s'il est moins poussé, il est quand même assez présent par rapport à l'étrange monnaie de Mr. Jack. Ouais, il y a un vrai lien de parenté, quoi. Et aujourd'hui encore, il reste très très culte, bah, Mr. Jack. C'est une manne à produits dérivés assez phénoménale. Ah ouais. Ne serait-ce que les figurines. Ouais, tout, des sacs à main, des vêtements, Des des mangas. masques, des. Ouais, il y a eu le manga. Enfin, je pense que à peu près tout y est passé, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu par rapport à notamment Marie Coraline, on l'a évoqué tout à l'heure, puisque tout le monde l'a découvert aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Au moment où on enregistre. On l'enregistre. Très bien. Alors, du coup, je vais vous laisser quand même un peu la parole, hein, parce qu'on va arriver sur des réalisateurs, alors, je pense notamment au premier que j'ai cité, qui s'appelle Wes Anderson, qui fait de très très très bons films, et donc il a fait notamment Fantastic Mr. Fox, et je crois que Toon Toon apprécie particulièrement ce film. Ouais, c'est un film fantastique. Non, bah c'est un film assez spécial, même dans le stop motion, parce qu'il utilise notamment ce renard où je trouve qu'il y a un. Bah, là, on parlait tout à l'heure du rendu des textures. Bah là, avec les poils du renard, c'est. Le rendu est, je trouve, formidable. Et puis, bah, pareil dans les décors, parce qu'ils vivent dans un arbre, si je me souviens bien. Enfin, il y a un vrai, vrai travail dans la direction artistique qui est assez formidable dans ce film. Et pareil dans la réalisation, parce qu'il y a toute cette réalisation avec une vue 2D, on va dire, où on voit tout sur un même plan. C'est un film vraiment génial. C'est difficile, je trouve assez difficile d'expliquer ce film, mais vraiment il est bourré d'humour, c'est super bien rythmé. Et puis niveau stop motion, il est assez remarquable, je trouve. Donc voilà, je sais pas, Chronos, si tu l'as vu. Ben si, j'ai vu. Déjà, je vais peut-être me faire détester, mais j'ai un peu de mal avec les films de Wes Anderson. Voilà, c'est Détester, voilà, c'est détester. dit. mais celui-là, je crois que c'est le seul que j'adore en fait, Bizarrement. bizarrement. Pas forcément parce qu'il est en stop motion, mais plus au niveau de l'univers, il me plaît plus au niveau de l'histoire, etc. C'est vraiment, que tu attends. De toute façon, tu l'as déjà tout dit sur le film. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que ouais, il est vraiment vraiment bien quoi. Ah, la musique, quoi. Alors que les autres films, je sais pas, j'accroche pas. C'est J'ai du mal à accrocher. Mais oui, vrai. c'est son style et c'est une question de goût là pour le coup. Oui, c'est clair. Mais oui, fantastique, Monsieur Fox, enfin Mr. Fox, c'est vrai, il est un peu à part dans sa filmo. Et puis, bah, il y a forcément la technique de réalisation aussi, le stop motion qui est. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment. Tu parlais tout à l'heure du fait de voir les mouvements, en fait, s'il y a des étapes un petit peu décalées ou des choses comme ça. Et là, justement, ça se voit parfaitement dans ce film, sur les poils. Ouais, sur les poils, ouais, c'est mais Et c'est je fait exprès, trouve j'ai que l'impression, mais ça ça. Ouais, marche. et je pense qu'il s'est fait exprès, et je trouve que ça donne un Ouais. rendu absolument génial. Ça les rend vraiment vivants, en fait, ça marche super bien. Ouais. Donc vraiment un film à voir, je trouve. Oui, il reste toujours aussi drôle, avec une bande son terrible, quoi. Je pense notamment à la musique de fin qui est géniale, notamment pour qui illustre le générique, la dernière scène du film et le générique en même temps. Et qui est vraiment très très bien. J'adore la scène du quand il rencontre le loup au loin et que le loup il brandit son poing Oui. au loin comme ça, c'est De génial ça. façon internationale, quoi. Ouais. C'est la lutte finale. Exact. Et ça, c'est ouais, ça, c'est marrant. Même tous les animaux sont starbés, quoi, franchement. La taupe, elle est énorme, quoi. Pauvre, elle est complètement hallucinée, des fois. Enfin, bref, on vous conseille fortement. Celluloïd approuve, hein. Complètement. Fantastique Mr. Fox. Alors, on va parler plus rapidement des réalisateurs qui vont suivre. Hein. Alors, je pense notamment à Adam Elliot. Alors, par rapport à un film qui s'appelle Mary and Max, et qui est vraiment très très très très beau, très très joli, qui raconte en fait la relation épistolaire, hein, par courrier interposé, entre Marie et Max. En fait, c'est à l'origine, c'est une erreur de courrier envoyé. Donc elle a adressé à la mauvaise personne, et qui va se transformer en une relation par le biais de ces courriers-là. Ils se sont jamais vus, ils ne se connaissent pas du tout. Mais c'est un très très très beau film, qui est également très triste, mais qui est à voir, hein, avec des personnages, voilà, ils sont pas forcément beaux, pas forcément très bien réalisés, mais on s'attache finalement et paradoxalement à savoir ce qui va leur arriver par la suite. Chronos, tu voulais nous parler. Alors toi, tu as vu donc notamment la série Robot Chicken, donc réalisée par Seth Green. Ouais, c'est Green qui est, pour les connaisseurs, qui est le loup-garou dans Buffy. Ça parlera à ceux qui connaissent. Et du coup, il a fait quelques petits rôles dans Austin Powers ou des choses comme ça. Et il a créé une Cette série qui référence. s'appelle, ouais, il a créé une série qui s'appelle Robot Chicken et qui parle d'un poulet qui est attaché par un scientifique fou et qui lui fait regarder des émissions de télé. Et du coup, c'est vraiment des parodies. D'émissions de télé américaines, de culture populaire comme les super-héros, des choses comme ça. Moi, j'ai surtout vu en fait des spéciales qu'ils ont fait sur Star Wars, qui sont juste excellents, qui sont sortis en DVD il y a pas longtemps. Oui, en France, pas En cher en France, ouais. plus, hein, je crois, c'est Ouais, 15 euros c'est pour 3 15 DVD. euros, ouais, c'est ça. Et c'est super drôle en plus. C'est des grosses parodies, parfois un peu gore, mais c'est vraiment toujours à mourir de rire. C'est tout je sais pas, ils utilisent des sortes de poupées de plastique en fait pour faire leur animation. Et ça marche super bien, c'est super bien rythmé, c'est vraiment bien animé. Et ils continuent à faire des spéciales. Je crois qu'ils ont fait un spécial DC Comics il y a pas longtemps justement. Ou enfin je l'ai pas vu celui-là, mais apparemment il est aussi chouette. Donc voilà, je conseille acheter le DVD si vous l'avez pas fait, parce que c'est très très bien. Très bien. On va finir avec un petit réalisateur qui commence à faire son trou au cinéma, qui s'appelle Tim Burton. Je rigole, Peut je creuser, on plaisante. sait pas Je trop. plaisante. Donc il s'attaquait alors au stop motion par le biais de deux films. Alors il y a d'abord Les Noces Funèbres. Est-ce que... Alors, qui l'a vu? Entre... Personnellement, je l'ai pas Moi, vu. je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Bon, c'est du Tim Burton en stop motion, en fait, hein, avec C'est ça. pas mal de musique. Bon, il était encore dans une bonne période. Enfin, j'avais plutôt apprécié, même si c'est pas un film extraordinaire. Mais il était plutôt sympa. L'histoire était vraiment pas mal. Mais voilà, c'est pas un grand film non plus, quoi. C'est assez proche de Monsieur Jack dans le style, dans l'histoire, dans le côté un peu chantant. Il y a pas mal de similitudes en fait. C'est peut-être pour ça justement j'ai l'impression qu'il a voulu faire enfin réaliser vraiment son film et pas laisser un autre faire son film à sa place. Un C'est peu, ouais. l'impression que j'ai eue. Mais Ouais. c'est vrai qu'il m'avait pas marqué plus que ça. Même dans les fans de Tim Burton, j'ai pas l'impression que c'était vraiment le film préféré des fans, quoi. Non, c'est vrai que je pense que les gens ont beaucoup plus été marqués par L'étrange Noël, qui pense réalisé par Burton, Oui, c'est ça, ouais. et moins par Les Noces Funèbres, qui est un peu moins rythmé, qui est un peu moins et puis un petit peu moins dans la surprise par rapport à L'étrange Noël, quoi. Autre film, ça m'a ressorti celui-là en 2012, plus récemment, c'est Frankenweenie. On retrouve, j'ai pas vu de film, mais d'après voilà, ce qu'on voit par rapport aux images, aux photos, on trouve, c'est toujours l'univers de Tim Burton en fait, hein, c'est très très. D'ailleurs, c'est en noir et blanc. Le film en noir et blanc, et c'est très. Bon, là, on retrouve un peu cet univers-là à la Sleepy Hollow, à la Mr. Jack. Vous l'avez vu ou pas? Non, j'ai pas vu le dernier, non. Non plus. Bon, très bien, ça allait vite comme ça. Non, mais j'ai vraiment envie de le voir. Il me tente bien, j'aime bien l'affiche. Je la trouve sympa et voilà, je suis curieux quand même de le voir. Faut que je prenne le temps, un de ces quatre. Exactement, c'est pareil, même principe, même problème. Alors, pour le coup, on a été assez. On n'a pas évidemment fait de liste exhaustive vis-à-vis des réalisateurs, des productions qui ont été faites autour de la stop motion. Il y a quand même énormément. Finalement, on se rend compte qu'il y a une production très foisonnante hein, à ce niveau-là. Quel que soit le type de matière utilisée. Hein, je vois par exemple pour Fantastic Mr. Fox, on est plus sur des poupées. Sur Wallace et Gromit, c'est plus de la pâte à modeler. En tout cas, ça y fait beaucoup penser à la pâte à modeler. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et on va d'ailleurs voir ce qui est assez étonnant, c'est en regardant les projets qui arrivent par la suite, il y a quand même pas mal de projets en production. Alors, on retrouve forcément les productions Leica, on retrouve les productions du studio Hardman. Donc notamment The Box Troll hein, qui est beaucoup attendu notamment de la part de Toontoon, de Kronos aussi. Il y a Shaun the Sheep, là encore pareil du studio Hardman. On compte quand même une dizaine de productions en cours. Hein, alors il n'y a pas encore de date annoncée pour toutes évidemment. Il y a une production également de Selic qui a commencé en 2011, repoussée en février 2013. Donc pour l'instant on n'a toujours pas eu de nouvelles. Ça s'appelle The Shadow King. Et le pitch, si je peux le faire très rapidement, Dis, oui. que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est donc un petit garçon qui est moqué parce qu'il a de très longs doigts. Et donc il se tous ses camarades se moquent de lui, etc. Jusqu'à ce qu'il découvre un petit peu un don de faire des ombres chinoises. Et il se rend compte qu'il est très fort pour ça. Et du coup, il se met à être populaire grâce à ça, parce qu'il fait des spectacles à ses copains. Jusqu'au jour où il doit mener une guerre contre un monstre en ombre qui essaye de tuer son frère. Et voilà, je trouve que dans le pitch, c'est du Selly qui est à fond. Et je trouve l'idée d'amener les ombres chinoises en plus du stop motion. très très sympa. Donc j'ai hâte de voir ça. Exactement, alors, pardon. Bah après, on est sur des productions un peu plus confidentielles, on va dire, hein, parce qu'on est sur des productions brésiliennes, brésilo-canadiennes même, bulgares, russes. Ah oui, il y a un film donc, qui s'appelle The Overcoat qui est en production depuis 1981. Ouais, en C'est pas 2004, il y a pressé. eu quelques minutes de diffusé. Et là, le réalisateur a donné quelques nouvelles là, en 2013 pour dire qu'il était encore en production et qu'il devrait arriver un jour. C'est un russe, il est d'un stack anonyme, ça c'est pas possible. Mais le mec fait ça à peu près tout seul en fait, Ouais. sachant que donc c'est Yuri Norstein qui est un grand nom de l'animation russe. Et en fait, il a mis en place un système pour donner un effet 3D avec des panneaux de verre sur du travail. Il travaille donc c'est ce qu'on appelle du cut-out, c'est-à-dire que c'est du découpage. Ça peut être du papier, du carton, enfin, ce genre de matière. Et donc il travaille sur de l'animation comme ça par découpage. Avec un effet 3D rendu par des panneaux de verre. Le mec a l'air assez fou, mais du coup, si un jour ça sort, je serais vraiment curieux de le voir. Ouais, tu m'étonnes. Pour un film de 80, bah, heureusement, il a utilisé la stop motion, ce qui est, comme on disait, qui est un des sites qui perd le moins de. Qui vieillit le plus facilement par rapport à, par exemple, la production à l'image de synthèse. Donc voilà, il y a. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour vis-à-vis de ça. Et on se rend compte quand même que la stop motion reste un style à part entière et qui a toujours du succès et qui est toujours utilisé de façon assez assidue régulièrement au cinéma. Ça arrive notamment en série également. On aura pu citer voilà parmi les productions, on aura pu citer Pingu, dessin animé culte qui a égayé nos matinées à Nut Nut. Ouais, on peut citer aussi Panique au village. Panique au village, exactement, tout à fait. Le film de Stéphane Aubier et Vincent Patard, dont il prévoit une suite dans le courant de l'année, je crois. D'ailleurs, il y a eu une petite bande-annonce qui a été diffusée au mois de décembre de l'année dernière, qui s'annonce très très très sympa. Et Stéphane Aubier, Vincent Patard, je crois que ça te parle un peu, Romain. Ah bah, toi aussi, et puis à Chronos aussi, parce qu'ils ont. Ils ont participé, en fait, ils ont aidé. Alors, j'ai pas le nom du réalisateur, mais en fait, ils ont secondé le réalisateur de Ernest Cécine, donc sur le film, parce que pour lui, c'était sa première expérience, et donc il avait besoin aussi d'être bien encadré pour réussir bah, ce qu'il a fait sur Ernest Cécine. Donc, c'est quand même un gage de qualité vu le niveau de la production qu'ils ont fait, quoi. Donc, c'est une bonne chose Et c'est vrai qu'on les connaît pas forcément, mais ils ont quand même un sacré talent, notamment Ouais. sur Panic au Village. Et c'était Benjamin Renner, le C'est ça. réalisateur. Et ils ont pas réalisé Panic au Village aussi un film, hein? Ben justement, Panique au village, c'est le film. Parce qu'il y a une C'est le série nom du aussi. film. Il y a une Il y série a, alors, il y a, à la base, ouais. ouais, il y a 20 épisodes, je crois. Ils ont commencé en 2001 et à partir de 2009, enfin en 2009, pardon, ils ont réalisé un long métrage Panique au village. Donc voilà, alors je pensais aussi alors une production du studio Folimage dont on vous reparlera aussi très prochainement qui s'appelle l'Hôpital du Top. En tout cas, il y a plein de choses aussi qu'on n'a pas forcément évoquées mais qui existent évidemment et qu'on vous conseille, ben, si évidemment c'est bien hein, toujours hein, de regarder. Donc voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour pour cette cinquième émission de Celluloïd, j'allais dire podcastination. Mais c'est presque ça, hein. C'est la même chose, hein. C'est la même maison, hein, je vous rassure. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et puis on vous dit au mois prochain, de toute façon, pour cette émission spéciale critique, étant donné le mois de février extrêmement dense au niveau des sorties. À bientôt! Salut. Salut! First moment that I met her, I did not expect to expect her. When I shook her hand, I really shook the glove. She looked into me so sweetly, and we left the room discreetly. No one else could know the secret of our love. Little ghost, what I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you. And it's not your time to meet the Lord above. Every morning I woke, I see my little ghost. Wondering if it's big or it's lying there. I lean to touch her and I whisper, but not brave enough to kiss her. When I held her, I was really holding there. Little ghost, what I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you. And it's not your time to meet the Lord above. Though I tried my best to keep it, there really was no secret. Must have looked like I was dancing with the wall. No one else could see this apparition. I fell in love with a little ghost and that was all. Little ghost, what I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you. And it's not your time to meet the Lord above. No, it's not your time to meet the Lord above. Retrouve pour notre séquence, la séquence supplémentaire, le cours d'après. Alors il n'y a pas vraiment de nom, alors il y a le nom japonais, mais on n'a pas pris le temps de le traduire. Hein. Alors je vais te laisser, Antoine, du coup, Tuntun, pardon. Le nom c'est Cryheart. Cryheart, exactement. J'avais juste l'URL sous les yeux, c'est pour ça que j'en suis navré. C'est scandale. C'est inutile. Et alors je vais laisser de nous en parler, Tuntun. Oui, bah c'est une en fait c'est pas un court métrage, c'est une pub réalisée par Banpresto qui commercialise donc une nouvelle gamme de figurines ici pour One Piece, des figurines en fait qui permettent, enfin c'est la volonté de Banpresto de faciliter la réalisation de vidéos en stop motion, donc bah un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, finalement toutes ces vidéos YouTube qui apparaissent tous les jours avec des figurines, des choses comme ça, et là ils fournissent une sorte de kit de One Piece avec Chopper et voilà, et ils ont pour démontrer un petit peu le potentiel du truc, ils ont retracé un petit peu une partie de l'histoire de Chopper avant, oui, qu'il rencontre Luffy, et donc voilà, c'est une très jolie pub de 5 minutes à peu près. C'est une pub, mais on le voit aussi comme un court métrage. Au final, ça fait un court métrage. Voilà, c'est ça. Parce qu'en dehors de la pub à la fin où ils disent que c'est des figurines, et encore ils le disent en japonais, donc nous on s'en fout un peu. C'est clairement un court métrage et la musique est très jolie et la réalisation est vraiment, vraiment très intéressante. Ouais, c'est. Bah, ça serait marrant de voir des épisodes comme ça réalisés. Réaliser de cette façon-là. Je pense que de toute façon, on va finir par en voir, puisque ça a été clairement réalisé pour ça, et que c'est une gamme, donc il y aura d'autres kits de personnages, ne serait-ce que de One Piece. Et ça fonctionne bien en plus, hein. Ah oui, il y a une image à la fin avec tout ce qu'il y a dans le kit, et c'est assez impressionnant tout le matériel qu'il y a, et on peut faire beaucoup de choses avec, je pense. Exactement, donc ça s'appelle Cry Heart, et donc ça colle absolument au thème de l'émission parce que c'était en stop motion. Voilà, allez, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Salut. Salut.